spécial du vendredi sur Indestar, c'est quand ? Maintenant. Ah, tous les vendredis soirs ? Non, sinon ce ne serait pas des spéciales. Ok, mais c'est à quelle heure ? Maintenant. Tous les vendredis ? Mais non, toi aussi t'es un peu spécial. On vous souhaite la bienvenue sur Indestar, j'espère que tout le monde va bien. C'est encore les vacances, c'est le mois d'août, nous sommes le 19 aujourd'hui. Comment va Teddy ? Eh ben, bien. Mais ce qui est marrant, c'est que Teddy, tu vois, c'est les vacances ? Ouais. Mais on est là. Prend quand même les cours, tu vois. Alors oui, parce que c'est une émission un petit peu sur le thème de la scolarité ce soir, mais bon, c'est la scolarité en mode vacances, quoi. Oui, voilà, c'est les cours d'été, on va dire ça comme ça. En tout cas, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu à la radio. C'est vrai, oui, à la radio. Parce que... oui, on va parler de nos vacances tout à l'heure, vite fait, mais bon, on va présenter ceux qui sont là avec nous ce soir. Il y a bien sûr Daniel, que l'on retrouve dans PK Avenger. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, tout le monde. Alors, moi, je suis revenu de vacances exprès, je suis pas content parce que ça a interrompu mes vacances. Mais t'as gardé la chemise, enfin, c'est celle que t'as toute l'année. Je n'ai pas tombé de la chemise. Attends, c'est pas celle qu'il y a toute l'année, il y en a d'autres. Non, c'est vrai, oui, non, c'est toujours la même. Merde. Il en a 14. C'est pour ça qu'elle tient debout toute seule. Ça va, Daniel ? Ouais, bah ça va, à part que je suis revenu exprès, que je suis pas content, non. Bon, on va essayer de te contenter avec le programme attends, ce soir. Ça me fait plaisir. Mais j'aimerais présenter Angelina qui est avec nous ce soir également. Salut, Angé. Bonsoir. Comment vas-tu ? Bah ça va. C'est vrai. Bon, c'est pas ta première fois que tu fais de la radio, mais c'est la première fois que tu vas être animatrice radio. Oui, on va dire ça, oui. C'est la première fois que tu vas être prof de radio. Oui aussi. Parce que c'est la thématique un petit peu. Ce soir, on va aller dans un collège. Il va y avoir des profs, il va y avoir des élèves, il va y avoir de la notation. On va avancer de quelques semaines. Dans combien de temps c'est la rentrée ? C'est bientôt. Dans un certain temps. Trois semaines à peu près. Trois semaines. Ouais, c'est début septembre. Hein, septembre ça normalement. Ouais. Comment, fin septembre ? 5 septembre. Ah, 5 septembre. Et l'espoir. Mais ça dépend. Les écoles privées, tout ça, ça peut être fin septembre, début octobre. Effectivement. Bah, ils ont privatisé le 5, alors qu'est-ce que tu veux ? Okay. Alors, 5 septembre, donc la rentrée, vous le savez maintenant. Préparez les cartables, les trousses et les stylos. Mais bon, on va se mettre dans le bain ce soir en allant dans un collège. Le collège Michou, apparemment, nous a donné cette adresse-là. C'est un collège public classique. Hein. Enfin, classique, j'en Bien sais sûr. Rien. On va voir. Parce il n'est pas à Paris, celui-là. Enfin, pour une des stars, il est en province. Monsieur. Mais avant qu'on aille au collège, quand même, racontez-nous un petit peu vos vacances. Qu'est-ce qui s'est passé, Daniel ? Moi, j'ai bricolé, j'ai inventé quelque chose de nouveau. J'ai fabriqué des meubles en lambris. C'est pas mal. Alors, le lambris, c'est relativement fragile, cela dit, non ? Oui, mais bien travaillé, bien assemblé, je peux te dire que c'est solide. D'accord. Et t'as fait quoi en lambris ? J'ai fait un système d'étagère et une table de chevet. Ok. Oui, donc t'as des renforts dessous, quand même. Ah, y a aucun renfort. Comment ça ? Dans les étagères, c'est pas que des lames de lambris. Si, c'est des lames de lambris. Les montants, comme le chevet, c'est des lames de lambris. Tout 8 mm. Bah oui, ça fait pas beaucoup. C'est-à-dire que tu mets. Il met juste des pétales de rose dessus. Mais c'est pas fait pour des charges lourdes. Hein, oui, oui. Ah, on est d'accord, ok. Mais ça donne quelque chose de vraiment sympathique. Ça c'est fait un aspect un c'est peu. Oui, c'est des étagères de déco. Un peu nordique en aspect. Je vois. Et c'est vraiment sympa au niveau déco, ouais. Ok. Est-ce que t'as côtoyé la Bretagne cet été ? Bah, c'est là-bas que je les ai fait, donc oui, j'ai côtoyé. Il y a des fois, je voudrais aller ailleurs, mais actuellement, bah. C'est un peu ton terre-terre. Parce qu'on t'appelle pour bricoler là-bas, c'est ça ? Bah, c'est surtout ça, oui. Donc, c'est pas vraiment des vacances. L'appel de la Bretagne. C'est pour bricoler. Ah, il y a la famille. Ouais. C'est pas l'appel de la mère, hein, rien à voir. Ouais. Je dois y retourner dans les semaines à venir et début de l'année prochaine pour faire une surprise. Je vous en dis pas plus. Okay. Mais t'inquiète, je vais t'appeler bientôt pour bricoler parce que moi j'ai acheté une maison pendant les vacances. Donc, et il y a du boulot. T'inquiète pas, il y a du boulot, tu vas pouvoir t'éclater. Et faire pas en lambris, c'est plus. Des étagères, des trucs. Mais blague à part, c'est hyper solide parce que les planches, comme elles sont pas taillées dans la même veine de bois, donc elles sont l'une à côté de l'autre, il y a 4-5 épaisseurs l'une à côté de l'autre. Bon, si tu mets 100 kilos dessus, évidemment, ça va péter, mais si tu mets 20, 30, 40 kilos, ça tient. Ça marche, ouais. Ok. Soit. NG, ses vacances ? Bah, moi, ça a été. Hein. J'ai été dans le Cantal. Le Cantal, il y a du fromage dans le Cantal. Et t'as mangé du Cantal ? Bah, oui, j'en ai même ramené. Chantal a oublié le Cantal. Ah. Oui, bah, il est pas là, le Cantal que t'as ramené. Il y en a pas ici. Il y en a pas ramené ici. Non, il a ramené Chantal. Et alors, qu'est-ce que tu as fait dans le Cantal ? Camping, hôtel, mobilhome, autre ? Blablacar. Hôtel. Hôtel. Pourtant, t'avais raison, le camping dans le Cantal. Hein. Le camping dans le Cantal, c'était bien avec Chantal. Chantal. Qui fait du camping dans le Cantal. D'accord, j'ai pas la ref. Alors, camping, Chantal, Cantal. Ça fait beaucoup de camp. D'accord, c'est juste ça. Okay. Quand ça finit en al, oui. Voilà. Ok. Sauf camping. Et alors, tu dis. Tu es parti au Portugal, je crois que c'est ça que tu nous avais dit. Ouais, toi-même tu sais. Hein. C'est pas dans le Cantal, c'est dans le Portugal. Pas dans le Cantal. On a voulu partir au Portugal, puis finalement on est parti dans les Alpes. Ouais, parce que petite mésaventure de la voiture, hein, ouais. Pichoun. Ah bah Pichou, elle nous a arrêté à Châtellerault. Ouais, mais Pichoun parce qu'on est dans le sud. Ah oui, n'oublie pas Pichoun. Okay. Ouais. Non, on a pu faire demi-tour quand même à Châtellerault, mais ce qui est à Châtellerault Tour, enfin en bois, c'est à 1h30 à peu près de route. Oui. Hein. Donc on a fait demi-tour et on a repris une autre voiture, mais qui consommait deux fois plus. Donc on s'est dit, on va pas faire deux fois moins de trajet du coup. On fait deux fois moins de trajet, on va dans les Alpes. Ouais. Ce qui était très sympa, j'aimerais juste qu'on s'arrête sur notre épisode sportif au Teddy, si tu veux bien. Encore pas raconté à la radio. On s'est dit, eh mais ça serait cool de faire de la Via Ferrata. Ouais. Voilà, on s'est arrêté là, voilà, on a continué nos vacances. Peut-être que vous avez déjà fait ça, la Via Ferrata. C'est, pour moi, c'était un petit peu de l'acrobranche en montagne. Dans la montagne. C'est pour tout le monde, pour tous ceux qui vivent pas en montagne, c'est ça, hein, la Via Ferrata. Oui, mais pour ceux qui habitent en montagne, justement, c'est autre chose. La Via Ferrata, en gros, c'est un parcours mis à ta disposition. Tu te démerdes, on te prête pas de matos, t'as rien, t'as pas d'accueil, c'est, tu te démerdes. Louer du matos. Tu grimpes la montagne si t'en as envie, tu te démerdes. Et tu meurs si t'en c'est as ça. Envie. Exactement, la Via Ferrata en montagne, c'est ça. Donc Théo, il regardait, il voulait en faire une petite, ouais. Il dit « Oh, celui-là, il a l'air pas mal !» Alors quand même, à ma décharge, moi j'avais déjà fait de la Via Ferrata dans les, les Alpes, et c'était de l'acrobranche, mais donc façon, on te, on te donne l'équipement au départ. T'as des petits parcours, ils te disent « Fais ci, fais ça !» Non mais tu vois, je croyais qu'il avait fait de la Via Ferrata sur les rives de la Loire, en fait. Hein. Alors non, ça, ils n'ont pas fait encore ça, il n'y a pas assez de montagne. Non mais j'avais cette idée-là, et en fait, on arrive sur place, déjà il y a un panneau qui te dit « Bah, il faut cette équipement. » Donc nous étonnés, on demande à un randonneur qui passait, qui nous regarde de haut, qui nous sait bah évidemment, évidemment, vous allez être con. Il l'a pas dit, mais il l'a pensé très fort. Donc on a été louer l'équipement. Ensuite, on se tape 1h30 de randonnée pour arriver jusqu'au début de la Via Ferrata. Qui fait que 300 mètres, je précise. C'est juste que c'était vachement en pente quand même. Ouais, on montait pas à 4 pattes, c'est parce qu'on avait pas envie de se serrer les mains. Déjà, pour moi, c'était le sport de la journée, mais ça ne faisait que commencer. On trouve la Via Ferrata indiquée par un petit panneau, et là, on se tape quasiment 5 heures de montée de Via Ferrata, seul dans la montagne, avec personne qui savait qu'on était là, et avec notre petit équipement. Et on avait, bon, nous, on arrive en touriste, hein, c'est-à-dire pantalon d'été, chaussures basket. Toi en short, vraiment touriste de bord de mer, tu vois. Voilà, et on s'est fait donc 5 heures de montée, 900 mètres de dénivelé, truc de malade. On est arrivé là-haut, on était absolument mort. On a même cru qu'on allait y rester, enfin, en tous les cas, rester la nuit pour mourir, dormir. Mourir, dormir, on a pensé à tous les scénarios possibles. Et ensuite, il fallait redescendre. Donc, il fallait chercher un pan de la montagne pour redescendre. Oui, parce qu'il n'y a pas de chemin spécialement pour descendre. C'est con. Ils ont prévu la montée, mais ils n'ont pas prévu la descente. Il faut savoir que quand tu fais cette Via Ferrata, les lignes de vie. Alors, j'imagine que ça doit être le cas dans plusieurs montagnes. En fait, tu peux monter, mais tu peux pas vraiment redescendre par le même chemin. Non, bah non. Parce que si tu tombes juste de 3 mètres en descendant. Bah, c'est 3 mètres quoi, ça fait mal. Ah, tu t'exploses, ouais. Même si on avait un petit casque, c'était un casque de vélo, c'était pas ouf. Ouais. Mais les bras et les jambes, ça se casse aussi. Ouais. Et après, donc, fallait redescendre. Ouais. Et ce qui fait qu'on est arrivé à la voiture, elle était 9h du soir. Parce qu'on a commencé à midi. On est venu vraiment. Tous les randonneurs. On pensait que c'était une petite activité de l'après-midi, tu vois. Genre, on va grimper sur des montagnes tranquille. Ah non, non. Et après, on a regardé les commentaires Google où là, effectivement, ils disaient que c'était un truc de ouf. Ouais. Bon, on l'a vu après. Mais on est vivant et on est content d'être là ce soir. Voilà. Le résumé de nos vacances, et si vous voulez suivre l'intégralité, on a fait une petite vidéo sur la chaîne de Starter, donc vous allez vous abonner sur la chaîne de Starter si vous n'êtes pas abonné pour le moment. Et puis vous avez les vacances qui s'appellent Vacances au Portugal, ça se passe ou pas comme prévu, ou dans les Alpes. Vacances ou pas. Ou pas, voilà. ça finit par ou pas parce que, effectivement, ou pas. Voilà un petit peu le résumé. On a fait plein d'autres choses, c'était cool, mais voilà. C'est le marsupilami. Ce soir, on va aller au collège. Le collège Michou qui nous attend, le proviseur nous attend, le principal au collège, on appelle ça comme ça. Le proviseur, c'est au lycée. On va aller dans une classe, on ne sait pas encore laquelle, on va suivre des cours, il y aura des points à remporter. Bien sûr, vous allez pouvoir jouer avec nous, il vous suffit d'être chez vous avec une feuille, un stylo, une ardoise comme chez nous, hein, parce que nous on est à l'ancienne. Ou un téléphone, mais bon, c'est. Non, c'est trop moderne. Non, mais pour nous appeler Ah bah, ah oui, alors si vous voulez nous appeler, non, c'est bien, c'est une bonne chose de nous appeler. On fait bah comment, oui. Teddy, pour nous appeler? Eh bah, il suffit de composer le 09 70 407 306, ou alors j'avais envie de le dire d'une autre manière, 09 70 40 73 06. Oh là non, bah non. Plus c'est plus dur à retenir, mais c'est plus logique, parce qu'on voit souvent ça quand même. 407 306, non, gardez-le à l'esprit. T'imagines un peu le collège, il commence à nous embrouiller. Ouais, ça. Ça commence bien les maths. Mais oui, vous pouvez nous appeler à ce numéro. Tu vas être professeur de maths ce soir? Je vais être professeur de maths, enfin évidemment. Non, ça sera pas toi, ça sera un... Mais non, oui. Oui, évidemment, un vrai professeur de maths qui sera là. Oui, évidemment. Très strict. Ouais. Mais oui, vous pouvez nous appeler, participer avec nous. Ça, c'est valable quasiment tout le temps, hein, de toute façon. Exactement. Et maintenant, on écoute de la musique parce que on aime bien la musique sur Indestar et on aime bien un Afri, aussi, évidemment. Le titre Summer qui veut dire été. Ouais. C'est bizarre qu'on commence par du Anafri. Je sais pas, c'est tombé comme ça. Je sais pas. Summer. Your lips are my like candy floss in summer. Water so blue, lover. Your smile so beautiful to me, my lover. Falling for you. Let me wash the waves. Let me wash the waves away. Let me make it right. Let me make it right. Baby, won't you stay? I can take your pain away. Let me hold you now. Keep you warm tonight. Sur Indestar. Du délire. Justement, l'école, ça tombe bien parce qu'on va y retourner ce soir. Bienvenue sur Indestar. C'est vendredi, c'est les vacances. Nous sommes le 19 août et pourtant, c'est déjà la rentrée Indestar. C'est les vacances, mais c'est la rentrée. Exactement, mais c'est on n'est pas sur le même, le même espace-temps. Ouais. Dirait le doc. Dites quoi, vous, Marty? Bon, je crois que la machine a remonté le temps, a bugué. Ouais, voilà. C'est ça. Non, mais on prend de l'avance. On prend de l'avance. Oui. Bon, il faut bien. Alors, ça, parce que sinon. Je pense qu'on est tous dans le même bateau. On a tous reçu une lettre de convocation. Oui. Je crois. Oui. Qui nous dit d'aller dans le bureau du proviseur. Alors, on va retourner au collège. En fait, on a passé avant, là, il y a quelques minutes maintenant, des évaluations. Ouais. On nous a attribué un niveau 4ème. Mmh. Voilà. On a tous le même niveau. Bien. Bon, moi j'ai triché donc. Donc on va essayer de suivre différentes matières de 4ème histoire de se remettre dans le bain avec des cours, peut-être des contrôles aussi, ce qui fait qu'on va avoir des notes. Et on verra avant la fin de l'émission, enfin la fin de l'émission, qui sera le meilleur ou la meilleure. Et on aura une moyenne générale donc. Voilà. Et on va aller ce soir au collège Michou. Alors le collège Michou, j'ai l'article qui est paru dans le Petit Omelettois le 19 août 1961. Je vous le lis. Pour vous faire une idée du collège, je vous lis façon ancienne, ça sera plus marrant. Le collège Michou est désormais en construction dans notre petite commune de Bremac-les-Omelettes. Bâti en panneaux de béton armé et de tôle amiantée, il devrait permettre aux futurs élèves de respirer le sérieux de leurs études qui les mènera jusqu'à l'obtention de leur BEPC. Ainsi, ces messieurs pourront démarrer une carrière sérieuse dans le secteur du bâtiment, de l'industrie, jusqu'à devenir PDG d'une grande entreprise, pendant que ces mesdames assureront le secrétariat, la comptabilité ou travailleront dans le commerce tout en surveillant l'éducation de leurs progénitures, qui seront à leur tour élèves émérites du collège Michou. Et que l'éducation soit... Oui, alors effectivement, on est en 1961... Ouais. Un petit peu sexy. Bon, ce que je vous propose, c'est d'aller toquer chez monsieur le proviseur, donc monsieur Michou, hein, parce qu'il porte le nom du collège. C'est ça qui est cool. Je pense qu'on est... Je vous connais pas encore, mais je vais frapper moi. Est-ce que ton short est réglementaire, Teddy? Mon short est réglementaire. Vous le voyez pas, mais... En 61, sans doute pas. Ah, mais j'avoue que pour aller à l'école, c'est pas top. Non, mais on est pas en 61, là, on est en 2022. Exactement, hein. En 2022, ça doit le faire. Bon, alors allons-y. Allez. Entrez ! Entrez ! Entrez ! Ah oui, c'est vrai, pardon ! Messieurs, dames, bonjour, jeunes gens ! Bonjour, monsieur ! Bonjour, monsieur le principal ! Bonjour, monsieur ! Ouais, salut, ouais ! Comment ça, salut ? Qu'est-ce qui... On parle correctement, jeune homme ! On dit bonjour, monsieur le principal, ou bonjour, monsieur Michou ! Bordel, il y en a qui sont déjà... D'accord, monsieur ! J'ai pas appris ça, moi, à l'école ? Ah, c'est clair ! Alors, jeunes gens, vous êtes venus ici pour étudier, j'imagine ? Vous allez aller en 4ème D, qui est notre pire classe de 4ème, et je compte sur vous pour relever le niveau. D, c'est pour les... Je connaissais la fameuse 4D ? C'est forcément après la 3D. On vous a pas demandé votre avis. Ouais, non, mais désolé. D, c'est pour les débiles. Alors, vous allez être évalué sur différentes compétences essentielles pour les métiers modernes, comme le metaverse, l'e-marketing ou le cloud computing. En tous les cas, je vous souhaite une bonne réussite dans votre cursus scolaire. Merci, monsieur Michou. Bonne chance au cabaret. Ouais, salut, ouais. Et il a évolué par rapport à l'an dernier, parce qu'avant, il parlait d'élever les poules. Alors, il a évolué, c'est bien. Bon, mais t'es qui, toi? Moi? Ouais? Ouais, je m'appelle Joku, moi je suis un nouveau là dans... On est tous nouveaux. Ah, t'es tous nouveaux? Ouais. Ah bah c'est pour ça que je t'avais jamais vu encore. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ah. Moi c'est Vincent, moi. Vincent? Ouais. Moi c'est Théodore. On s'en fout. Merci. Je viens de voir le... Il y a une fille aussi avec nous. Ah oui, pardon, t'es qui, oui, toi? Oui, elle est timide. Moi je suis Alicia. Ah, t'es bonne. Alors, on va aller voir le programme, j'ai vu l'emploi du temps, il paraît qu'on va commencer par les maths. Ouais, c'est vrai. Je kiffe pas trop les maths, moi, je sais pas, vous êtes bon en maths? Ouais, je me débrouille, mais ouais, je crois que je me sens un peu... Ouais. J'ai un peu mal au ventre, je crois que je vais aller à l'infirmerie. Ah bah moi, avec ce que je viens d'entendre, je sais plus, moi. Ouais. Y'a personne qui est bon en maths ici? Bon, non. Je préfère le dire après, éventuellement, parce que... Bah, je crois que vous devez aller en salle 106. Ouais, 106, ouais. Ouais, bah bon courage, hein. Moi, je vais aller à l'infirmerie, merci. Ça, quel lâcheur, le guédin, tout. Bon, allez, on va, c'est premier étage, machin, ça doit être cette porte-là, c'est parti, parce salle 106. Parce qu'il y a des étages en plus. Ah, lui, il est pas doué. On me l'avait pas dit. On va s'installer, hein. Chers élèves. Ah oui. Installez-vous. Psst, Vincent, tu viens à côté de moi. Oh. Ah ouais, quoi, je vais copier comme ça. Je ne tolérerai aucun bavardage. Attention. On s'assoit et dans le calme. T'as vu ma nouvelle trousse? Alors, je me présente à vous. Je suis monsieur Zacharé, votre prof de maths pour cette année. C'est, ouais, bah c'est plutôt Zacharé. Oui, ouais. Ça sera carré, effectivement, cette année. Et c'est Vincent, carré. Vincent, c'est plutôt Zacharé, hein. Je vais la marquer, je note toutes les bagues. Je sens que ces petits-là... Il y en a qui vont pas finir l'année, je vous le dis. Hein. Il y en a, ils vont devoir traverser la rue pour trouver du boulot, c'est pas sûr. Monsieur, c'est oui normal qu'il y en a qui sont déjà à l'infirmerie, je veux pas balancer, mais il y en a qui sont partis déjà. C'est vrai? Ouais. Il devrait avoir moins de points. Il est peut-être malade, voyons. Ah bah moi... Ah, je me sens pas bien non plus. Comment tu t'appelles, jeune malotru? Moi, c'est Vincent. Vincent? Bon, on m'appelle Vince. Vince? Alors, ça sera Vincent. D'accord. Vincent, tu te calmes. Oui. Comment tu t'appelles, toi? Moi, c'est Alicia. Alicia? Ok. Tu bouges pas de ta place. Tu changeras pas tout au long de l'année. Cool, et toi, le dernier au fond, là? Ah, on va m'appeler maintenant, parce qu'avant on me sifflait, mais je m'appelle Joku, moi. Pourquoi tu t'es mis au fond, Joku? Bah, parce que je veux être près du poêle à bois. Ah ouais, ouais. Je veux pas avoir froid l'hiver. Jeter à l'œil. Le poêle à bois, n'importe. Ouais. Parce que souvent, bizarrement, les élèves les plus perturbateurs se mettent au fond de la classe. Ah, c'est étonnant. À côté du radiateur. Moi, monsieur, c'est fais pour pas la balance, toi. Moi, monsieur, c'est pour compter les bûches pour, qu'on va mettre dans le poêle pour pas qu'on en mette de trop. D'accord. Pas le petit écran, 1900. Ouais, c'est clair. J'aurais bien dit, Vincent. Alors, comme je vous l'ai dit, vous êtes dans un cours de mathématiques. Ouais. Je ne veux pas entendre maths. Hein. Ça n'existe pas, les maths. C'est ça, les mathématiques. C'est pour les échecs. C'est pour les échecs. Échecs et maths. C'est bien. Il y en a au moins un qui suit. On peut faire un autre cours, sinon? Non. Ah bon. Dommage, parce qu'on l'aurait bien fait. Ça sent l'avertissement. Faites voir votre carnet, monsieur Vincent. Merde, hein. Il n'a pas été encore distribué. Le principal, vous avez il a la mis, demain. Je vais le garder à côté de ma table quand vous l'aurez. Oh là là, quel chahut! Ouais. Alors, on va commencer par quelques petits exos. Ouais, hein. Très simples, hein. Des petites questions pour voir votre niveau de maths. Parce que j'aimerais savoir à quoi je me confonte cette année. Moi je connaissais que le parce que je vais pas vous mentir, hein, de chaque année, enfin d'année en année, les élèves sont systématiquement plus débiles. Vincent, remonte mes stylos là. Non mais attends, il est trop beau, le tien, j'adore. Ben vous avez fini de vous échanger les stylos, bordel. Non, il est pique. Ah là là. Alors attention, je vais vous poser une question assez simple. C'est une question qu'on apprend en 6ème. Donc si vous êtes en 4ème. Un gommage du visage. Du visage. C'est vos points que je vais gommer, monsieur Vincent. Parce que l'anneau il verra. Une question en 6ème, ça fait 2 ans, on a oublié. Eh ben j'espère que non. D'après vous, 25. Ouais. Le nombre 25. Il a combien de diviseurs? C'est très facile, voyons. Mais Ah. J'attends de votre part un chiffre. Combien de diviseurs a le nombre 25? On a le droit de faire un appel à un ami. 5. Si je vois vos téléphones portables, ils vont pas uniquement sortir de vos poches, ils vont sortir par la fenêtre aussi. Alors, nous avons... toi au fond, dont j'ai oublié le prénom. Joku. Joku, 4, c'est ça? 4. Ok, Alicia, tu as mis combien? 4. Mais c'est quoi ce gribouillis sur votre ardoise, Alicia? Vous avez changé de nombre? Ah, c'est pas écrire. Ah, dans tous les cas, je crois que vous avez tous mis 4 ou 5, mais vous avez tous faux de toute façon. Alors, faut-il que je vous rappelle ce que c'est qu'un diviseur? 5, je crois 10, que oui. 15, 20, 25. Non, 1, 2, 5, 25. Un diviseur, c'est un nombre entier qui peut diviser... Un autre nombre un chiffre, entier. Un chiffre, attention. Attends, c'est déjà relou. Un chiffre qui peut diviser votre nombre. Donc 25, il est divisé par quoi? Pour par que ça 5. Fasse un nombre par, entier. Par il est un, divisé par 5, ça par fait 1. Par 1, 2, 5, 25. Par 1, il n'est pas divisé par 2. 2, ça fait 2,5. Ce n'est pas un nombre entier, donc ce n'est pas un diviseur. Ah non, c'est pas 2, je me suis trompé. Et t'as pas dit que, enfin, vous avez pas dit que c'était un nombre entier? Un diviseur est forcément un nombre entier. A... Attention. Oh l'enfoiré, il y a 2 fois 5. 5, ça, oui, ça fait 2 chiffres. 5, 1 et 25. Ouais. Tout simplement, ça faisait 3. Ouais, enfin, mais je sais pas. Et on était à 1 près. Vous, ouais. Et ben ça fait 0 quand même, bizarrement. Vous allez apprendre vite fait qu'en maths, 1 égale 0. mais si 0 égale 1, bon. Ça vaut le coup, hein. Je vois à quoi je me confonds cette année, ça va être dur. On va faire un petit problème. 1 plus 1 égale 11. Ouais. Ouais, bah alors JCVD, tu vas dégager au fond de la classe, je crois. Je suis aware. Ouais. Nous allons faire un petit problème de maths. Nous allons voir si vous en sortez mieux avec ça. Oui, bah nous, notre problème, alors, c'est le prof de maths. Hein. Ouais. Notre collège. Ouh, ça. Attention, hein. Oh, c'est vrai, il n'y a pas de carnet. Et je l'écris sur mon carnet de blagues. Faites attention, hein, les carnets, ça va tomber. Hein. Monsieur, mon stylo, il marche plus. Hein. Changez de stylo, voyons. Bah voilà. C'est pas, bordel. C'est pas con dans le principe. Notre collège, le collège Michou. Cette année, on veut emmener 182 élèves en voyage. On n'a pas les sous. Ça va coûter la blinde. Oui, ça sera en Italie en plus. Oh chouette, je veux y aller. Bah c'est sélectionné, donc c'est pas dit que vous y allez. Non, je kiffe trop les bêtes. Les alors, on va emmener seulement 182 élèves. Pourquoi? Moi j'y vais pas, ça fait 183 avec moi. Je sais pas. Non, c'est 182. Toi tu comptes double. Le proviseur, monsieur Michou, a prévu de demander aux parents de venir pour faire les accompagnateurs. Il a prévu un accompagnateur pour 12 élèves. C'est bien. Vous êtes d'accord? Bah, je sais pas. Déjà là, il y a le problème. Combien faut-il d'accompagnateurs ? Ben, on peut pas, il n'y a plus de place dans le bus. Si, si, si, si, c'est un bus de 100 places. Et, s'il y a moins d'accompagnateurs, il y a plus d'élèves qui partent. Hein. Oui. Mais c'est pas ça la question que je vous pose, monsieur Tricotelin. Bordel, suivez le cours. Monsieur Zatarel, est-ce qu'il faut des accompagnateurs pour encadrer les accompagnateurs ? Non, ça sera le chauffeur de bus. Je ne compte pas le chauffeur de bus, attention. Hein. Donc 182 élèves. Il faut un accompagnateur pour 12 élèves. Combien y aura-t-il d'accompagnateurs ? J'ai une question, c'est une division ou une multiplication ? Bon, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, je veux juste que tu me donnes le nombre d'accompagnateurs par, pour 182 élèves. En sachant évidemment que si je vois un seul élève mettre un nombre à virgule, je lui tabasse la tête de ses morts. Et oui, je vais être vulgaire parce que vous doutez bien qu'on met pas un demi-accompagnateur. J'ai la réponse. Vas-y, Tricotelin, je t'écoute. 15. 15 ? D'accord. 16. Oh la vache, il est pas loin. Nous avons Alicia qui fait la méthode, l'ancienne méthode. Je compte des 12 partout. Je fais des groupes de 12 et je compte le nombre de groupes de 12. Ça, elle est encore à la maternelle. Ouais. 17, ok. va falloir recompter du coup. Comment tu t'appelles toi au fond ? Joku ! Joku, je crois que j'ai oublié ton prénom toute l'année toi. Joku, tu as un point. Oh merde ! Oh, mince. Évidemment qu'il y en a 16. Ah oui ? Pourquoi Joku ? T'es pas loin. Hein. Parce que. Explique-nous, lève-toi 15... s'il te plaît. Non, reste assis si tu veux, mais lève-toi quand même. Lève-toi dans ta tête. Oh merci. Oui, tu as gagné un bon point. Parce que. 15 x 12, ça fait 180. Et comme on peut pas couper un accompagnateur, on a rajouté un. Ça donc ça voudrait 7. Dire qu'il y aurait eu deux élèves qui n'auraient pas eu d'accompagnateur si on n'en avait pas 16. Ou alors, ouais, mais moi, je me dis qu'il y aura toujours qui vont se désister, donc il en faudra que 15 accompagnateurs. Non, mais ils en mettent pas tout le monde. Non, parce qu'on va inviter plus de gens, au final. C'est... Non, mais il y a une liste d'attente. Hein. C'est ça. Il n'y a pas que 182 élèves, monsieur Tricotelin, dans le collège. Le problème, c'est que si on en mettait 15 plus des morceaux, tu en as qui... T'as deux élèves qui se promenaient avec les bras d'un accompagnateur, tu vois. Ouais. Bref. Les gens, ça commence mal quand même. Hein. Moi, j'ai fait 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12. Et, ouais, t'as compté 17 quand même. Je sais pas comment t'as fait, Alicia. Hein, non, mais tu l'as pressée. Elle a été pressée. Elle n'a pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, c'est ça. Voilà. Ça doit être ça. La méthode maternelle est un peu longue, en fait. Alors, je vais vous poser une question de mathématiques un peu de la même forme que la première question. Il pose que des questions, il fait même pas de nombre de diviseurs. Ouais, je vous fais pas de leçons, je teste vos compétences. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Et pour l'instant, je vous avoue que c'est pas beau. Non, mais franchement. Oui, Vincent ? Ben, moi, c'est Vincent Tricotelin. Oui. Ça, vous savez à qui vous avez affaire. Si je te dis de prendre la porte, tu la prends vraiment, c'est ça ? Ouais, si tu me le dis, ouais. Si tu sautes par la fenêtre, Ouais, non, parce que c'est trop haut, on est au premier étage. Ouais. Je suis pas sportif. Ok. C'est pas parce qu'il est au premier étage, c'est parce qu'il est pas sportif, en fait. Bah, oui. Alors, le chiffre 9... Pas la lettre, le chiffre. Est-il un multiple de 45 ? 45 est un nombre, hein, le chiffre rappelle. 9 est issu des poules. Parce qu'un œuf de poule. Vous, quand vous allez voir le prof d'SVT, je sais pas s'il va vous catégorifier dans les humains ou dans les. C'est quel genre de poule ? Les poules ? Les poulettes ? Les poules d'eau ? Les Donc, poules ? 9 est-il un multiple de 45 ? Merci. Ouais, je lui prête mon stylo, mon c'est stylo trop cool. Mon stylo ne marche plus, le deuxième. Le troisième stylo qu'elle utilise. Alors, je crois que vous avez tous répondu. Joku, au fond de la classe, tu as mis non ? J'ai mis non, c'est pas un multiple, non. C'est quoi alors ? C'est un diviseur. Bah non, c'est l'inverse. Oh bordel de merde. 45 ? Ouais. C'est un diviseur de 9. Non, 45 est un multiple de 9. 9 est un diviseur de 45. Mais c'est oui ou c'est non ? C'est quoi la réponse du coup ? Parce que... Même le prof, il sait pas. Non. Le prof, il sait pas. Non, il va m'embrouiller ce petit con. Ah, le prof, il sait pas. La réponse était oui, normalement. Oui, bah non, c'est faux. Non, c'est faux. Bah non, c'est faux. Bah oui. C'est vrai, vous avez raison. Bah oui, et moi aussi. J'ai entouré faux sur mon truc, en plus, sur mes notes. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on fasse une évaluation du prof. Moi. C'est clair. Alors, si j'entends ça encore une fois, je vous jure que vous allez prendre cher toute l'année. Mais juste, moi, je vais le dire à mes parents. Hein. Mais c'est oui. Dites-le. C'est oui ou c'est non ? Eh ben, c'est non. C'est non. Et on n'écoute pas du Angèle en classe. 9 x 5, ça fait, non, ça fait 45. C'est 45 oui. Le multiple de... Effectivement. Alors, je suis d'accord. 9 x 5 fait 45. Par contre, comme l'a dit notre ami Joku, enfin votre ami, hein, parce que le mien... on le connaît à peine. De toute façon, voilà. Bah, je vais pas être ami avec ça, faut pas déconner. Hein. Effectivement, 9 n'est pas un multiple mais un diviseur. Il a failli m'embrouiller, hein. Ouais. Attention, donc on a la bonne réponse. D'accord, oui. Monsieur. Donc Vincent et Joku, vous avez le droit à un petit bon point. Oh, okay. Les faillots. Je vous donne un petit bon point en papier. D'accord. Parce qu'on est à l'ancienne, apparemment. Alicia, tu veux que je t'en donne un ? Merci, oui, comme ça, ça m'en fait deux. Ouais, mais ça se donne pas, les bons points, bordel. Ouais, j'allais négocier. Ça va compter pour votre moyenne de l'année, monsieur. Oui, d'accord, mais j'allais négocier autre chose. Tu échanges les débits ou les cartes Pokémon ? Ouais, parce que j'allais demander de voir, mais t'as l'air doué. Vous ne faites pas ça en cours, je ne veux pas savoir. Par contre, votre moyenne va être vite impactée par ce genre de choses. Alors, quatrième question. Tu veux un bac au feu ? Ouais. Attention. Le nombre 574 est-il divisible par 7? Font chier avec les divisions, quoi. Une chance sur deux, oui ou non, puis voilà. Hein. Bah, c'est pas faux. Mathématiquement, c'est. Non, si, c'est faux parce que y a une réponse quand même. Ah. C'est pas du hasard, c'est des maths. Oui. Thématique. J'ai mis oui. Tout le monde a mis oui. Alors, je veux savoir pourquoi, par contre. Hein. Pourquoi Vincent, c'est oui, c'est justifié. Bah parce que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Pourquoi ? Comment tu le sais ? Bah parce que c'est pas. Comment c'est quoi la question prouve-moi, déjà ? Prouve-moi que c'est divisible par 7, 574. Mais bah, imagine, tu prends. Ça fait combien ? Vous prenez 574. Aucun argument, quoi. Et vous divisez par 7, ça fait 52. Tu vas perdre un bon point, Joku. Tu vas perdre un bon point, Joku. Ah non, ça fait 52. Alors, oui, vous avez raison. Bon, bah, c'est alors, divisible par 7. Allez. Par contre, j'attendais la théorie derrière. Est-ce que quelqu'un a la théorie derrière ça ? Bah, moi, j'ai juste regardé sur Joko, en fait. Vous perdez un point, Alice. J'en ai pas. C'est vrai. Bah, vous gagnez pas un point. Merci. Tenez, Vincent. Tenez. Joku, ah. C'est ça, hein ? Moi, ouais, c'est Joku, ouais. Oui. Alicia, vous avez un demi-point. Donc je vous le donne pas vraiment, mais la prochaine fois peut-être. Bah, pour alors, gentil. Pour vous expliquer, il aurait pu te donner un point et t'avais avoué que. Ouais, mais il est à toi, tiens. Oh, bah, merci. Pour vous expliquer comment faire un nombre à trois chiffres pour savoir s'il est divisible par 7 ou pas, il y a une petite méthode. On va savoir. Attention, astuce. 574. Vous prenez les deux premiers nombres, enfin chiffres. Donc ça fait 57. On est d'accord. Écrivez 57 sur vos ardoises, ça va vous aider à comprendre. Ouais. Et si donc 57. Vous preniez le dernier chiffre, c'est un 4. On est d'accord. Vous l'écrivez plus loin. Non mais il est un peu marche parce que le 4 c'est la fin de 574. Hein. Exactement. Ils ont vraiment des problèmes. Il a juste découpé le mec. Je commence à comprendre pourquoi le collage s'appelle Michou. Hein. Je vais vous demander de multiplier toujours, à chaque fois si vous voulez savoir, ça marche avec tous les nombres. Le dernier chiffre de votre nombre, vous le multipliez par 2. Donc là, c'est lequel, le dernier chiffre ça de votre nombre ? Ça fait 8. C'est 4. Ça fait 8. Voilà, c'est 4. Donc ça aurait pu être n'importe quel chiffre. Ça marche tout le temps. Vous le multipliez par 2. Donc ça fait 8. On est d'accord. Ce 8, vous allez le soustraire à 57. Putain, c'est relou. Oui. 57 fois 8. C'est très simple. Vous allez voir, Vincent. Ça voilà. Fait 49. 49. Et du coup, est-ce que 49 est divisible par 7 ? Ouais. Je couche, j'attendais votre réponse. Bah, ouais. Je comptais sur vous, là, j'avais un ice contact avec vous pour que vous me le disiez. Oui, mais je laisse les autres aussi s'exprimer parce qu'autrement, ils n'auront pas de bon point. Je vais passer pour le génie de la classe et puis après, ils vont me faire la tête pendant non, mais les récréer. Juste comment c'est plus que 49 divisé par 7 que 574, genre. Parce que 7 fois 7, 49, Vincent, faut apprendre cette table de multiplication un petit peu. Bah, c'est pas une division, c'est une multiplication du coup. Oui, mais si ça tombe juste, c'est que c'est bon. Ça veut dire que c'est divisible. Ah bah ça, oh forcément. J'ai rien. Et forcément, rien si ça tombe juste, c'est que c'est bon. Hein. J'ai pas dû. Enfin, j'ai compris la méthode, mais j'ai pas compris à quoi ça servait. Non, mais... Bah, juste à diviser les gros nombres par 7. Ça marche, par exemple. Essayez avec 4003, par exemple. Non, mais ça va. Non ça va. Bon, bah voilà. Flemme. Alors, dernière petite question. Attention, c'est de la priorité d'addition, soustraction et division. Oui, parce que division, j'aime bien ça. Diviser pour mieux régner, c'est ma stratégie pour cette année. On a cru comprendre. Entre parenthèses, 23 plus 2. Fermez la parenthèse. Allez, pour fermer divisé ta gueule. Par. Attention, hein. Divisé par, entre parenthèses, 14 moins 9. Égal. Attention, le premier à répondre, il pourrait avoir 2 points. 14 moins 9. Ah, what? Ah, il est mal écrit, attends. 5. Ah bah, on doit pas le dire. C'est vraiment 1 que t'as écrit, Joku? Ouais. Ouais. Fais voir ton ardoise, Joku. Ah non, ah ça, ouais. ça fait un nombre à virgule. Non. Alors Joku et Vincent, vous pouvez recommencer et Alicia t'auras 2 points. Ah ouais, non, c'est bon. Je l'ai. Il l'a par hasard. Je sais pas si je vais compter. Mais non, si. Alicia, vous avez 2 points, ça fait bien 5 évidemment. Pourquoi la 2 là? Parce que j'ai répondu en premier et qu'il m'adore. Ah non, je me suis trompé. Oui. Toi, tu passes sous la table, toi. Oh, non, je me Vincent. Suis trompé, ça fait 5, oui. Oui. Je vais le dire. Moi, je me trompe jamais. Je serais avoir un bon point. Ouais. Tout à l'heure, il allait nous dire que c'était le multiplicateur de 45. Il m'a quand même dit un nombre à virgule, quand même. Vous êtes tous témoins. Hein. Au début, je pensais que 5 fois 5, ça faisait 25. Plus que 25. Ah, ouais. Ah, je vais demander l'avis de la classe. Conseil de classe. Quoi? D'après vous, est-ce que Vincent mérite un point? Bah, bien sûr. Oui. Vous avez de la chance que vos camarades soient gentils avec vous. Moi, je pense qu'il a copié sur moi. Mais non, je pense pas. Aussi, oui. Trop pas. Mais bon, la classe en a décidé autrement. Bon. Je rappelle qu'il compte pour deux. Hein, alors, Joku, combien avez-vous eu de bons points? 3. Et encore, vous en avez filé à Alicia, si je me rappelle bien. Non, j'ai pas fait. Non? Non, parce que hey, le brutif prof, il me surveillait, alors je vais lui en donner. Ça sera noté dans votre appréciation à la fin de l'année. Oh, et en plus, il a entendu. Enfoiré. Alicia, combien avez-vous de bons points? Moi, j'en ai 4. Tu m'en as volé, toi? Non. Ouais. Je vois pas. Vincent, combien en as-tu? 4. 4? Ouais, je suis trop un bolos. Un bolos, faudra m'expliquer ce concept de bolos. Bolos. Je connais façon, bolognaise, mais bolos. De toute façon, un relou, il peut pas savoir ce que ça veut dire, bolos. Hein. Peut-être, bref, un belos peut-être, c'est ça. Je suis un warrior. Tu as des belos? Ouais, bon, non, laisse tomber, t'es Asbin. Alors, je tâte le niveau de votre classe et c'est pas très bon. Attends, 4 sur 5, voilà. Alors 4 sur 5, mais il y avait plus de points que de questions et c'est tiré par les cheveux votre niveau. Hein, parce que c'était du niveau quand même un peu plus bas que ce qui est prévu. Hein. Quatrième, 4 points, je suis un... D'accord. Nas. Bon, ouais, bah moi je suis déjà en troisième, j'ai 3 points. Que vous allez faire une petite pause, vous allez sortir de classe, vous allez aller dans une autre classe, je vais prendre d'autres élèves plus intelligents. Enfin, d'autres élèves. Voilà. Ah, c'est la sonnerie, on se casse, les gars. Ouais, cassez-vous parce que. Il y a la récré au moins, non? Non, pas cette fois, ça sera après la récré. Oh. Bah celui-là, il est relou, hein. Il y a de la musique par contre, sur une des stars. Ça c'est pas relou, hein. C'est la reprise de Green Day Good Riddance et on repart en classe dans un instant, bougez pas, hein. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you have the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind. Hang it on a shelf in good health and good time. Tattoo some memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you have the time of your life. But in the end it's right. I hope you have the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you have the time of your life. C'est à l'écran. bienvenue Michou, t'es dans les choux. Bah c'est pas de chance pour toi, bienvenue c'est Dylan. Comment ça va les gents? Ouais bah moi ça va, I'm tech. Qu'est-ce que je vais faire? Ah bah j'ai pas cours en fait. Bah non c'est les vacances, c'est pour ça qu'on en profite pour écouter la classe. Mais quelle classe tu dis? Ah bah la classe de 4ème D en direct avec des nouveaux élèves. C'est maintenant sur Indestar. Sur Indestar. Je parle trop vite non? Ouais, ouais, tu parles un petit peu vite. Bienvenue sur Indestar, nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est la fin de semaine et vous boutez encore les vacances pour vous. Si vous êtes jeune étudiant, c'est encore les vacances, profitez-en parce que la rentrée ne tarde pas. Et elle est même ce soir sur Indestar puisqu'on a décidé d'aller de retourner au collège. Vous avez tous fait collège, on est d'accord? Oh bah je crois que c'est un peu obligatoire en France. C'est obligatoire jusqu'à 14 ans, donc t'es pas obligé d'avoir fait l'intégralité de ton collège quoi. Parce que tu peux avoir 14 ans et être au collège? T'as redoublé beaucoup de quel âge, je crois. Non, non tu peux faire ans. Qu'une seule. 16 ans. Ah, c'est 16 ans? Ouais. Ah, bah oui, c'est 16 ans. Ah oui, c'est vrai. Je crois que c'est passé en 53. Ah, ouais, je suis pas. Oui, mais en même temps, 4. Le collège Michou est vieux, c'est pour ça. Enfin, dans les années 50. Hein, d'accord, okay. 60. Donc tout le monde a fait l'intégralité de son collège. Et là, non. Non, ouais. Ouais. Non. Non, moi, à partir de la 4ème, j'étais directement au lycée. Comment ouais, ça mais t'as fait une 3ème. Une 3ème d'épaississe, je crois. Alors, moi, j'ai fait l'inverse. Moi, je suis resté plus longtemps au collège parce que j'aimais bien ça. Voilà, je suis resté une 3 ans de collège. Un fêlé qui aimait le collège. Mais c'est déjà bien assez, 3 ans. Moi, je trouvais ça cool. Moi, 5, ça faisait long. Oh. Je vous le dis. On a été en cours de maths il y a un instant, on s'est fait un peu laminer, bien qu'on ait, on ait eu des points. Eh, salut les gars. Alors, oui. C'était bien les maths? Toi, t'es revenu de l'infirmerie, toi. Ouais. Ouais. Ouais. Ah, je vais beaucoup mieux là, j'aime pas trop les maths. Et du coup, t'avais quoi? Oh, l'infirmière, oh, l'infirmière c'est un membre de ma famille, c'est... donc... je crois qu'il avait une flémingite. Oui, voilà, c'est exactement ça qu'elle a marqué sur son... Flémingite aiguë. Ouais, ouais là, aiguë. Là, on part en français, c'est trop en beau. Français, français ouais. Ah ouais, c'est en 507, c'est à côté. Il y en a qui partent en vacances et nous, on part en français. Ouais, ouais j'avoue, j'aime pas trop ça, le français. Bah, ça, 507, bah, mets-toi à côté de moi, je suis un as, moi. Cool, vas-y, allez, vas-y. On rentre. Oh, c'est elle, la prof. Ah non, c'est un mec. C'est quoi? Bonjour, madame, monsieur. Non. Eh bonjour, jeunes gens. Installez-vous à mon signal. Ouais, encore un vieux con. Il a la tête, quoi. Ouais. Maintenant, asseyez-vous. Plus la voix, je te dis pas. Oh, je m'assois. Bon. Monsieur ? Oui. On fera du français ? Vraiment ? Mais bien sûr, vous êtes en cours de français. Ah. Alors, je suis monsieur Tréguer, votre professeur de français pour l'année. Mais on sait déjà parler français. Ouais, c'est ce qu'on dit. Tréguer, très con, oui. On verra. Aujourd'hui, un cours sur l'information ou la désinformation que j'ai sobrement appelé. Je note au tableau. Informer, s'informer ou déformer. Oui, bah lui, il est déformé. Hein. Chapitre 1, vous notez, vous sortez vos classeurs. Ok. Les médias. Ouais. Alors vous me marquez sur votre ardoise. C'est la cuisine, les médias. Trois types de médias que vous connaissez. Ok. On a le droit à tous les médias. Et vous hein. Ne copiez pas sur le copain. Merci bien. Trois types de médias que vous connaissez. On a le droit de faire des fautes d'orthographe. Ça sera sanctionné. Ok. Présentez-moi vos ardoises, jeunes gens, s'il vous plaît. Voilà, monsieur, j'écris trois médias. Alors. Je veux que tout le monde me présente son ardoise afin que l'on puisse. Et on n'a pas le droit de copier! Monsieur, j'allais le dire, Alicia a copié sur mademoiselle! Je suis pas très bon en français. Hein. Avertissement, attention! Je n'ai rien fait! Vous avez commencé à copier. Il va dire que je suis pas bon en français. Hein. Tu vas voir, match, je me défendais. Mais le journal, la radio. Non, le radio. Et la télévision. La télévision. Oh là là là là là. C'est, on dit pas la télévision. Ah, il est mauvais lui. On a pire, on a la télé. On a la radio et le journal. Et là on a la radio, le journal et la télé. Alors je vous stipule quand même qu'on ne dit pas le journal mais la presse écrite pour définir ce média. Oh là là. Il y avait également le cinéma ou l'internet. Vous connaissez ça, vous êtes jeune. Ouais bah lui oui. C'est l'interponet hein. Voilà. Et monsieur apprenez à écrire sinon ça sera sanctionné la prochaine fois. Non mais c'est pour que les autres. On a que j'ai mis radio non, mais... en premier hein. Non mais je monsieur je sais plus comment là. C'est parce que si il copie. Geiger, les... il s'appelle. Oui, monsieur Geiger. Oui. C'est monsieur Tréguer, attention. Très... Bah, il est très, je sais pas quoi, mais bon. Naguère. Très... Oui. Alors, je fais des fautes, hein, c'est volontaire, c'est parce que si il copie, on le verra, ils feront les mêmes fautes que moi. Ouais. Ou t'es dyslexique. Merci, c'est dyslexique. Mais oui, je... Non, non. Vous obtenez tous un bon point, ça va pour cette fois. Maintenant, vous me marquez trois médias que vous connaissez. Oh non, on m'en fout. Hein. Oh. Allez-y. Utilisez votre mémoire, jeunes gens, et arrêtez de soupirer. C'est bon ? Non, monsieur, j'ai pas écrit mon dernier média, je cherche encore. Ils sont lents, ces jeunes, ils sont lents. Et on dit qu'ils ont l'esprit rapide. Il faut croire que la génération, c'est la génération lenteur. Monsieur, monsieur, alors... j'ai trois médias. Allez-y. Alors, j'ai Fun Radio. Ouais. J'ai Virgin Radio. Et j'ai BFM TV. D'accord. C'est là que je regarde les informations, c'est les meilleurs, je trouve. Ça passe. Mon papa, il adore regarder BFM TV. Mademoiselle, vous aviez TF1. Énergie, la radio. Et Le Monde, le journal. Oh, ça, c'est ou bien, la presse, ça. Monsieur. Le Monde, ça me convient, vous avez double point. Oui. Vous avez marqué quoi, vous? Ah, la presse radiophonique. Ça veut rien dire, j'ai demandé le nom d'un média, j'ai pas demandé le nom d'une catégorie. M'en fous. Il est dyslexique. Les journalistes, parce que je les connais pas. Oh là là, pourquoi tu m'appelles, Joko? Ouais, et Papy Jean, parce qu'il sait toujours tout, Papy Jean. Vous avez rien compris. Ça, c'est un média, Papy Jean, je le connais, c'est un youtubeur. Vous connaissez les youtubeurs? C'est sur l'internet, hein? Oui! Ouais, bah non, mais si, il est connu, tellement... monsieur! Ouais, mais non, ça marche pas. Je crois qu'il y a des ronds. Connais pas Papy Jean? Ça vous fait deux points, madame. Non, mais de toute façon, à mon avis, il viendra arriver à machin les omelettes, parce qu'autrement, il connaîtrait Papy Jean. Ouais, hein. Monsieur, vous avez internet chez vous? Bien sûr que j'ai l'internet, mon petit jeune, j'ai même le Minitel, je suis à la pointe de la technologie, non, mais... voyez-vous. Non, mais je crois qu'il l'utilise pas. Je crois qu'il l'utilise pas. Monsieur, c'est quoi le Minitel? Ah, des générations désespérantes. C'est un tel mini. C'est une génération désespérante. Je dirais même pire, 36-15 génération désespérante. Maintenant, question subsidiaire. La question, je vous la pose. Ça veut dire quoi, subsidiaire? À quoi servent les médias? Qui veut répondre? Ça veut dire quoi, subsidiaire? Moi? On verra après. Moi. Alors vous, vous avez la main en premier. À faire passer des informations pas forcément vraies. Moi, je sais. Vous auriez répondu quoi? J'adore votre tête. Moi j'aurais dit c'est pour informer la population de ce qui se passe dans le monde. Ça fait deux points. Et c'est pas forcément vrai. Non, je suis pas d'accord. Non, bah vous, c'est trop tard, hein. Vous avez pas réagi au bon moment. Je voulais dire raconter des conneries, mais je crois qu'il l'aurait pas pris. Merci monsieur. Moi je trouve ça injuste. C'est moi qui décide, c'est moi le professeur ici, c'est moi monsieur Tréguer. Je crois qu'on a, il devrait s'appeler monsieur Injustin. Mon papa il dit que BFM TV c'est que des conneries. Ouais, c'est pas comme Papy Jean. Hein. Bon, ouais, maintenant parce que je vais aller voir. Quoi? S'il vous plaît, quand je parle, vous ne parlez plus. Mes oreilles, je crois que ça marche ici. Je crois que c'était le contraire. Je peux aller aux toilettes? Non, vous restez ici, moi je vais aller boire un petit café. Non, parce que quand il pisse, t'as pas le droit de pisser. Et pendant ce temps-là, vous allez vous mettre en trio. En trio, d'accord, on se met en trio. Et on se met ensemble. Ah, pas Alicia, Joku, bah quoi forcément. Que Joku. Je sais pas. Hein. Vous allez réfléchir sur pourquoi le média radio est le meilleur que les autres. Je vous donne 30 secondes. Pendant ce temps-là, je vous mets une musique d'ascenseur. C'est le meilleur, c'est tout. Moi, je dirais que c'est le plus fun parce qu'on peut s'amuser avec. Oui, puis on peut raconter des conneries sans nous voir. On peut imaginer aussi, on n'a pas les images. C'est-à-dire que c'est bien, tu peux arriver en costume en haut et puis imaginer, ouais. En maillot de bain en bas. Oui, on peut mettre des trucs en haut. Enfin, si c'est filmé, ça par contre. Oui, mais c'est la radio, il a dit la radio, il a pas dit la télévision. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et après, il y a la télé, parce qu'on peut mettre de la musique. T'es dit, tu veux un gâteau? Alors que sur la télé, t'as l'équipe avec qui perturbe. Jeunes gens, avez-vous répondu à la question? Qui veut prendre la parole? Le Théodore. Genre que vous le pressez à la pas. Menthe, mais pas le Théodore. Tu me dénonces? Ça monsieur se fait trop Joko, pas. Vous allez prendre la parole et expliquer. Dans ta gueule. Alors, ce dont vous avez réfléchi. Qu'est-ce qu'on a dit d'ailleurs? Je sais plus. Ah, tu te démerdes. Ah, alors, on a dit, c'était quoi la question? On peut venir en short. Ah oui, pourquoi la radio, c'est le meilleur média? Exactement. Alors moi, j'ai proposé, je ne sais pas s'ils sont d'accord, j'ai proposé, c'est bien parce qu'on ne voit pas les gens. C'est comme à la radio. C'est comme à la radio, c'est comme à la radio, oui. Tu vois à travers les gens. Bon, laisse parler, monsieur. C'est-à-dire que, par exemple, pour faire bien, tu peux avoir un costume en haut, et puis tu peux avoir la tenue de plage en bas, le maillot de bain, comme ça, dès que tu sors du boulot, paf, tu... En quoi la radio est le meilleur média pour ceux qui l'écoutent? C'était sous-entendu, bien évidemment. De toute façon, déjà subsidiaire, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Alors, en plus, ils cachent les questions. On va demander à Alicia, qui a l'air beaucoup plus sérieuse. Parce qu'on peut l'emporter partout. C'est une bonne raison, effectivement. Mais moi, j'emporte ma télé sur mon téléphone. Bah, moi, j'ai une réponse. Alors, allez-y, monsieur. Parce qu'on peut voir à travers les gens grâce à la radio. Comment savoir à travers les gens? Bah grâce au rayon X. Oh là là, vous êtes à côté de la place. C'est non un média. On apprend des informations, monsieur. J'ai une bonne une bonne réponse. Qu'est-ce qu'il dit? C'est l'heure de la création, non? C'est le seul média où on écoute Indestar. Ah, ça vous fait un bon point. Ah. Mais c'est un travail de groupe, donc on a tous un bon point. coup. Merci. Mademoiselle Alicia également, vous, ça c'était très vague, c'était... Mon travail de groupe. Ouais, je sais. Bah oui, c'est pas normal, là. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez... Oui, relou, j'ai plein de... Oh. Est-ce que vous pouvez me citer la qualité principale requise... Non, on citera pas, puisque... Pour être un bon journaliste. Je sais, mentir. Monsieur, je sais. Allez-y, Joko. Savoir parler de tout et de n'importe quoi, et comme disait mon copain Théodore, savoir mentir pour faire passer les infos. Dire des conneries. Ah. Prouver qu'on a raison même quand on a tort. Voilà. Quelqu'un a une réponse un petit peu plus argumentée. Savoir écrire. Non, c'est quoi la question ? Vous pouvez répéter la question ? La question était : est-ce que vous pouvez me citer la qualité principale requise pour être un bon journaliste ? Parce qu'il en faut une. Allez-y, Alicia. Il faut être tout terrain. Ah, comme un 4x4 ? Comme le 4x4. Comme le SUV de papa. Ah ! Alors, j'accepterai, mais je vous donnerai pas de bons points. Oui, monsieur. Il faut avoir une belle voix pour bien parler au micro. Surtout si on est journaliste presse écrite, n'est-ce pas ? Oui, bah il faut avoir une belle plume pour faut bien avoir, écrire. Le sens du tact même non, à l'écrit. La réponse attendue, c'était être neutre dans nos propos. Oh, la neutralité journalistique. Il y a que les Suisses alors qui peuvent être journalistes. J'ai jamais vu BFM TV neutre. Non mais il y a que les Suisses qui peuvent être journalistes. Justement, est-ce que vous pensez que tous les journalistes sont neutres ? Non. Bah, il y en a aucun. Il y en a aucun. Parce qu'ils sont pourris jusqu'à la moelle. C'est ce que dit papa. Alors arrêtez, jeune homme, écoutez votre père. Sauf Papy Jean. Oui, c'est vrai, Papy Jean. Il peut y avoir plusieurs réponses, vous pouvez m'en donner une, celle qui parce vous passe par la tête. Parce que les États les manipulent. Oui, c'est une bonne raison. Donc les lobbies. Politiser. Les lobbies, ça marche aussi. Le patriarcat. Est-ce que vous auriez... Non, mais c'est pas n'importe quoi non plus. Parce qu'ils ont toujours une opinion personnelle. Les Allemands. Voilà. Illuminati. Parce qu'ils sont... Ils sont pas... Corrompus. Ils sont... Ah oui, corrompus, j'aime bien la réponse. Corrompus, ça marche. Incompétent, ça marche aussi. Ça vous fait tous un bon point pour celle-là. Ouais. Le travail de groupe, ça paye. On finit par trouver les bonnes réponses. Ouais. Même quand on raconte n'importe quoi. Oh, il fait tout tomber. On disait n'importe plus, quoi. Hein. Oh cool, j'ai gagné 3 points. C'est comment, c'est monsieur. J'arrive pas. Guéguerre. Alors, vous allez reprendre vos ardoises. Qu'est-ce que ça entraîne dans vos petits cerveaux de futurs adultes, le fait que ça soit orienté? Comment ça, on va être adulte? Monsieur, j'ai perdu mon stylo. C'est quoi, prenez-en c'est un autre, soyez pas bêtes, voyons. D'accord. Il a dit qu'on va être adulte un jour, ça me fait peur. Écrivez la réponse, s'il vous plaît, sur l'ardoise. Monsieur, vu que cherchais mon stylo, c'était quoi la réponse, oh, la question ? Là, il faut vous écouter. Vous pouvez répéter la question ? La question était par rapport au fait que ce soit politisé parce qu'ils sont incompétents et donc orienté l'information. Qu'est-ce que ça entraîne dans vos petits cerveaux de futurs adultes, le fait que ça soit orienté ? Bah oui, monsieur, vous avez dit faut écrire la réponse, j'ai écrit la réponse. Alors on a du réponse, on a du m'en fous. Oui, vous m'avez appelé, monsieur. Moi j'allais dire mensonge, mais pas de mensonge du... Il faut un autre mot, un synonyme de mensonge. Vous devez connaître ça, vous êtes prof de français. Expliquez, s'il vous plaît. Donnez-moi un synonyme de mensonge, non, monsieur. Non, moi je voudrais surtout que vous expliquiez pourquoi mensonge. Ça modifie notre vision de la perception de du réalisme. C'est pas mal, ça. C'est monsieur, pas mal. Ouais. Vous pouvez répéter la question ? Non, ça nous induit en erreur. Ça nous fait faire de la merde. Alors, essayez de respecter un langage correct, s'il vous plaît, dans mon cours. Mais ça vous fait un bon point. La vraie réponse était qu'il peut j'en y avoir. J'en ai une autre, monsieur. Oh là là là là, lui il est relou. Ouais, ça se ment. Vous êtes lourd, mon bon monsieur. Restez avec votre ardoise. J'ai mis pour avoir des bons points. La réponse que j'attendais était une confusion que vous pouvez avoir entre un fait avéré et un avis, qui est donc un avis subjectif. Comme dans Final Fantasy ? Je connais pas. Bon, ça veut dire que quand on a vendu... Non, c'est trop tard, mademoiselle. Quand on a vendu une information, il faut vérifier ça. Et je ne répéterai pas la question suivante. C'est féminin. Bon, ça vous fait un point, d'accord. Elle a écrit « Je vous aime ». Mais quel lèche-cul. Merci, non, mais monsieur. Il y a un problème. Il a dit un fait, c'est féminin. On dit une fée. Bon, oui, c'est vrai. S'il vous plaît, un peu de concentration. Ouais, c'est vrai, il a fait une faute. Hein. Oui, il a fait une faute. Hein. Il est nul, notre prof de français. Le prof de français. Quand on a vendu une information, il faut vérifier sa véracité. Parce que ça se mange. Vous comprenez tous le mot véracité. Oui. Ça se mange. D'accord. C'est ma copine, véracité. Vous me marquez au moins un moyen pour vérifier la véracité d'une information. Oh, je sais. Là, je sais, écrivez sur l'ardoise. C'est comme l'eau. Écrivez sur l'ardoise, s'il vous plaît. Comment vérifier de l'information? Quand même pas bien dur. Alors, pas bien ? Vous m'en écrivez une ? Ça me rappelle mes vacances dans les montagnes avec mon papa. C'est comme l'eau. Ouais. Vérifier la source. Ouais, quand on suit une rivière. Oui, j'ai compris la blague. Enfin, on a tous mis la même chose. Les sources. Vérifier les sources si l'eau est bonne. Ah, vous allez faire un concours de blagues, ouais. Voyez-vous. Ouais, on est bon, hein. Bon, c'est humoriste plus tard. C'était une bonne idée. Vérifier la source. Est-ce qu'il y aurait un autre moyen qui vous vient à l'esprit comme ça? Internet. Je sais pas. C'est-à-dire. Google. Comparé avec d'autres médias. Exactement. Allez sur des sites de comparaison. Ce qu'on appelle recouper l'information. C'est-à-dire. Ah non, moi je coupe pas l'information. Les sources d'information pour en connaître la vérité. Il existe des ciseaux pour couper les infos? Je savais pas. Bah moi non plus. À votre avis. Le ciseau à bois. Quelle est la source la plus fiable? Monsieur. Celle de la Loire. Celle de la Loire, le Mont Gervais des gens. Vous voulez aller au coin, vous, hein? Tout ce que vous allez chercher, hein? Non, les genres de colle, tout ça. Je croyais être au courant, pourtant. Bon, alors. Quoi la source la plus sûre? J'ai pas donné les propositions, mademoiselle. Oh. Ah, il y avait des propositions. Moi, je suis sûr, c'est BFM TV. Entre un article sur votre fil Facebook, entre un podcast de RMC, ou entre un article sur le site du Gorafi. Quelle est la source la plus sûre? RMC Découverte, mon papa il regarde beaucoup avec les animaux. Je pense que ça peut être ça, moi. La 3. Bah, moi c'est RMC Découverte. Marquez quoi, vous? RMC? Oui. Ah, toi aussi t'as mis pareil. J'aime bien le Gorafi, je rigole bien. Et bien évidemment, c'était le Gorafi, comme ça vous êtes sûr que l'information est fausse, alors que sinon vous ne savez pas qu'elle est vraie. Là, il nous a niqué. Je suis perdu. Pardon, monsieur, vous avez dit? J'ai dit qu'il était très gentil, le prof de français. Oui, il vous a fait l'amour proprement. On a entendu ça, ouais. Moi, j'ai compris qu'il a dit qu'il veut piquer. C'est la fin, je me casse. Salut, monsieur Giger. Alors, sur Pronote, vous trouverez vos devoirs pour la semaine prochaine. Je suis parti. Le sujet étant... Quelle est la meilleure radio à écouter pour avoir de l'information authentique? Indestar. Vous me l'argumentez, je veux minimum 15 pages. Vous rangez vos affaires en silence, vous sortez en silence et vous disparaissez. Au revoir. Ouais, oui, bah ça, je crois. Que... Il vous a dit quoi, en vrai? Ouais, je crois qu'on va disparaître pour longtemps avec lui. Hein. Putain, je m'étais endormi, moi, un truc de ouf. C'était bien? Ouais, tu m'as pas beaucoup aidé, hein. Bah non, parce que je m'étais endormi. Bah ouais. Moi, il m'a donné plein de points. J'ai galéré comme un rat. T'inquiète, le cours d'après, je serai là. Chiant. En attendant, c'est pas rigolo parce que j'ai voulu le faire rire et puis il a pas rigolé. Ouais, il est chiant. Il a pas l'air de rigoler beaucoup, c'est pour ça que je me suis endormi. C'est un vieux con, ouais. Ah, tiens, on va écouter de la musique dans mon Walkman, j'ai un truc de ouf pour vous. C'est quoi, Walkman? Ah, le bon baladeur, tu sais, le baladeur MP3. Non, 2022, il nous parle de baladeur. Ouais, bon, voilà, ce truc pour écouter de la musique, j'ai un smartphone, quoi. Oh putain, c'est quoi ce pavé, là? Il va nous balader avec ça, tu vas voir. Ouais, il vient de nous sortir un lecteur cassette, quoi. Non, mais j'ai le truc avec, tu sais, Chiran et Camilla Cabello, là. Tu aides qui tu veux, hein. Le bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Ouais, c'est cool. Badaboum. Badaboum, badaboum, badaboum, badaboum, boum, boum. On va écouter ça sur Indestar avant d'aller en cours, je pense que ça va être bien. Eh, tu te mets avec moi à la récré, on... Ouais, on mange des goûters, j'ai des pépitos. Non, j'ai fait une sarbacane, je vais tester sur toi. Moi j'ai carton. Salut, c'est Thomas. Moi cet été, je fais comme certains d'entre vous. Je me lève à 11h. Petit repas en famille, sieste à l'ombre, bronzage au soleil, près de la piscine, apéro à 18h avec les potos et le soir, la chouille. Ce serait parfait si j'étais pas à Rochefourchat, le village le plus paumé de France, sans famille, sans piscine, sans poteau, sans fête et sans réseau. Impossible d'écouter Indestar. Vivement la rentrée, tiens. En plus, il paraît qu'il y a plein de nouvelles émissions et toujours des découvertes géniales. Bon, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec Dédé pour récolter les pommes de terre. Bah ouais, on s'occupe comme on peut sans Indestar. Salut, c'est Linda. Tu penses trouver ta voix en donnant de la voix? Je suis animatrice sur Indestar dans Vita Conso le vendredi soir. Animation, réalisation, communication, écriture, viens faire de la radio avec nous. Rendez-vous sur indestar.fr, rubrique Rejoins-nous. Indestar, là où tout commence, même pour toi. Venez, entrez dans la danse. Indestar, là où tout commence. Indestar, là où tout commence. Ne fût-ce qu'un lien, puisque je vois un peu plus clair. Aïe, débordé, focalisé sur le trajet. Aïe, combien de vrai, combien j'en perds sur le trajet. Indestar. Là où tout commence. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown up. Dancing with strangers, you could be casually dating. je veux des choux, je veux des michoux. Ouh, j'espère que vous avez bien mangé à la cantine. Blague, blague, blague. C'est sur Indestar. C'est la vie à l'école. On fait les fous, on rigole. C'est la vie à l'école. On chante, on danse, on prend parole. C'est la vie à l'école. On fait les fous, on rigole. C'est la vie à l'école. On chante, on danse, on prend parole. Une bien belle chanson, hein. Bienvenue sur Indestar, ouais. Si vous venez de débarquer. Alors oui, vous demandez peut-être ce qui se passe parce que vous dites, ça y est, on est encore en vacances, les gars, pourquoi vous nous parlez d'école? On a décidé on de prendre un petit peu voilà, d'avance sur la rentrée parce que de toute façon, sachez qu'en septembre, vous allez y retourner, c'est comme ça, c'est pas trop. Oui, vous, pas nous. Non, bah nous, on a passé ça depuis bien longtemps, depuis belle lurette. Ça fait partie de nos souvenirs, genre. Ouais. Et on les a tellement qu'on continue, c'est ça? C'est vrai. Et ce soir, on va continuer d'aller dans une classe qui est la classe de 4e au collège Michou, qui est un collège de campagne qui nous accueille pour tester un petit peu notre niveau. Alors, on a commencé, on a eu un prof de français, on a eu un prof de maths. Maintenant, on va tester la géographie. Ouais. Voilà, savoir parce si on a bien repéré l'espace temporel. Bah oui, la récré est finie depuis bien longtemps. Faut qu'on aille en cours. Alors, je crois que c'est au deuxième étage, là, c'est en 208. Putain, il est haut le collège, ouais. Hein. Putain, le mec, c'est il connaît tout le collège par cœur. Bah ouais, j'ai appris la classe 80, par cœur. Mec. Il est bon en géographie. Parce que j'avais peur de me perdre dans les couloirs. Parce que des fois, bah faut tourner. Ah, le nage. Ce qui m'embête, c'est. Ouais, bah au moins, j'ai un plan. Moi, je sais où c'est les chiottes, je sais où est l'infirmerie. Je sais ah, bah tout. Ça, l'infirmerie, tu sais bien où c'est, ouais. Ouais. Vous croyez qu'il y a un poêle à bois au deuxième étage? Faut monter les bûches en plus, hein. Est-ce qu'on peut rentrer dans la classe? Vas-y, Georges, rentre, je suis trop dans le nage, moi. Putain, ouf. Oui, entrez. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Mes enfants. C'est Moi je suis un jeune adulte, moi je suis un warrior, hein. Je suis en 4e. D'accord, va t'asseoir. Okay. On s'assoit où qu'on veut? Oui. Cool. Cool sur les tables. Boing. Ah. Vous appelez comment madame? Madame Pacifique. Lol. Bonjour madame Pacifique. Bonjour. C'est très passif. On fait quoi dans votre cours? Nous allons faire de la géographie. Oh non! Ah oui! Mais vous allez adorer! Madame Pacifique? Non. On va l'adorer, Madame Pacifique? Oui. Je sais pas si c'est la prof qu'on va adorer ou la matière. On va adorer la matière. Je de sais, la prof. L'océan! Pacifique! Oui! J'ai mérité un bon point? Non, je crois pas alors. Non. Non. Du coup, on est calme. Ouais. Bah, on vous écoute, je crois qu'on est tout oui, madame. On est j'ai sorti ma trousse et t'as vu mon stylo 4 couleurs. Je vais vous poser des questions, les enfants. Vous allez me répondre. Oh, les enfants. Oh. D'accord. Je vais noter votre niveau. Juste, moi je suis un jeune adulte parce que je suis un warrior. Je suis en 4e. J'ai compris. Comment tu t'appelles? Ouais, c'est Vincent, mais tu peux m'appeler Vince. D'accord. Vous pouvez m'appeler. Il s'est fait piquer par une abeille l'année dernière, il a été directement à l'hôpital parce qu'il est nul. Quoi? Trop pas. Je t'ai vu. Il y avait ta maman qui t'emmenait. Et il pleurait beaucoup, il avait un pansement avec pas de patrouille dessus. On se calme les enfants. Et puis il nous a montré, il avait gardé le dard en souvenir. Ouais, c'est vrai. Il l'avait encadré. Alors, je vais vous demander, dans quel département se situe Bordeaux? Je veux le numéro. On va. Du département. C'est un département médical. Mais c'est au bord de l'eau, ça. Ah. Bah le Bordeaux, le vin, c'est au bord de l'eau, oui. Vous avez tout le temps. Ah. On répond sur l'ardoise, madame? Oui. Non, c'est dit 33, c'est médical? Je non, redis 69. C'est celui-là, le médical, je crois. Ce n'est pas 69. Ah, c'est Lyon. J'ai peut-être confondu avec Lyon. Ouais, ça va. C'est putain, mais t'es vraiment nul. Mais non, mais j'ai un cousin c'est qui très bien. Je te donne j'avais copié sur toi. Merci, madame. Et vous remarquerez que si on multiplie 33 par 2, on n'est pas loin de 69. Est-ce que, Joku, tu saurais quel fleuve passe par... La Garonne. Je n'avais pas fini ma question. La Garonne. Par Bordeaux. La Garonne. C'est bien. Merci. Théodore. J'ai gagné un bon point. Il y avait une question là. Moi oui, je crois. Mais fallait buzzer. Merci. Non, fallait pas buzzer. J'ai gagné un bon point, je m'en fous. Bien joué Théodore. Ouais, merci madame. Non mais il parlait de ta Daronne. Il a pas laissé. Quoi mais quoi ma Daronne? Qu'est-ce que c'est ma Daronne? Non, la Daronne. On se tait les enfants. T'as déjà passé des vacances sur les bords de la Daronne? C'est un bon lui. C'est très fin, Joku. La Daronne est très fine, oui. Ça se mange sans fin. Je demande toute votre attention. Oui, bah quel est le seul drapeau du monde qui est ni rectangle ni carré? Il est rond. Probablement. Et c'est le drapeau de la Terre. Vincent, tu vas aller au coin. Parce que la Terre est ronde. Parce que la Terre est ronde. J'ai pas de stylo qui fonctionne. Donc, mon stylo 8 couleurs, il fonctionne pas. Ouais, je crois que je Vincent, est... tu es vraiment dissipé. Oui, et vraiment mauvais aussi. De toute façon, parce que. Ouais, mauvais aussi. Ouais, hein. Moi, j'aurais aimé. Théodore, c'est très bien. Merci, beaucoup, merci. C'est très bien. Ouais, alors, moi, madame, j'aurais aimé d'être dans ce pays. Parce que quand tu es dans ce pays, tu n'es pas né. C'est très bien, je te donne un deuxième point. Quoi ? Le petit fait des jeux de mots, il y a des points, c'est quoi cette histoire ? Moi je dis qu'il y a du favoritisme quand même. Vous savez que dans les autres cours, il fait le bordel ? Oui, mais là, faut être pacifique. Alors je suis pacifique. Peace Moi, je le trouve très gentil. Peace and love, frère. Très gentil. Peace and love, mon frère. Est-ce que vous savez de quelle couleur est le drapeau népalais ? Oui, rouge. Il est plus blanc aussi, il y a du blanc. Il y a du blanc. Oui, il y a un peu de blanc. Mais pas que. Oui, bien, Vincent, c'est bien. Je te donne un bon point. Merci, madame. Enfin. Endab. Bah, et moi ? Non, pas toi, pas toi. Mais c'est très bien. Bah, oui, je le connais. Et je suis népalais, moi. C'est la couleur principale, le rouge ? Non, elle a demandé les couleurs pour la principale. Le rouge, c'est le fond du drapeau. Bah, ouais, c'est là où il y a le plus. Et tu as les chiffres principales, toi. Je sais pas, moi, je veux un bon point, madame. J'ai dit rouge, mais c'est une couleur. Tu n'as pas donné toutes les couleurs. Voilà. C'est vrai, mais Vincent non plus. Mais bien sûr que si. Il n'en a donné que deux. Oui, mais il faut bien l'aider, le pauvre. C'est vrai. D'abord, il n'a donné une plus que toi, non ? C'est vrai, c'est vrai. Hein ? De toute façon, faites gaffe, peut-être qu'à boire rouge, alors, on ne sait pas. Hein. Ouf. Toi, le Népalais, tu vas avoir, tu vas avoir aussi le rouge. Je redemande à nouveau votre attention. Mais vous l'avez, madame, notre attention. Je suis toute oui, madame. Bordel, j'ai jamais vu autant les cheveux. Est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve la ville de Saint-Tra ? De Gaulle ? Moi, je sais. Saint-Tra de Gaulle ? Oui, Théodore ? C'est à Saint-Travertin. Non, ce n'est pas Saint-Travertin. Saint-Tra. Dommage. Tu m'aurais dit Saint-Tré. Vous m'auriez dit Saint-Tré. C'est en Pologne. Échec, Vincent. Moi, je sais. Aux USA, madame. Oui, Théodore ? C'est en France ? Non, Théodore. Madame, aux USA. Non plus. Ah. En Italie. Non. En Chine. Non. Japon. Comment ça entra ? C'est dans... Au Portugal. C'est en Europe. En Portugal. En Allemagne. Oui. Au Portugal. Oui. Bravo, Vincent, bravo. Ah. Ça mérite de bons points. Merci, madame. C'est portugais. Eh oui. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel monument se trouve à Saint-Tra ? Une église. Effectivement. Ça fait un bon point, madame. À Saint-Tra, il y a un palais. C'est l'un des plus beaux palais du monde. Bah, c'est pas une église. Non, mais c'est un Népalais encore. C'est oui. D'accord, ouais, c'est sûrement un palais. Je vous l'apprends. Ah, oui. Il est rouge et jaune vif. J'avais dit rouge tout à l'heure. Un peu comme le drapeau Théodore. Portugais, merci. Madame. Je mérite un tu bon es point. En retard. Parce que le drapeau portugais, il y a du rouge et il y a du jaune aussi, madame. Non, il est vert. Oui, mais il y a du jaune quand même, il y a du jaune. Un petit peu, une petite touche. Il a dit, madame, il y avait du rouge et du jaune. Bah oui. Ouais. Il a pas dit, il y avait que du rouge et du jaune. Oui, c'est vrai. Comme moi, le rouge, j'ai dit qu'il y a du rouge, j'ai pas dit qu'il y avait que du les rouge. Les enfants, vous vous calmez. T'as un bon point quand même. Bah non, attends, avant, on fout le bordel, on nous dit rien, là, on fout pas le bordel, on nous dit, vous vous calmez. Ah, c'est vrai. Je suis trop calme là. Je crois mais c'est bien, Vincent, tu fais des efforts. Mais je crois qu'elle est tellement Théodore, calme. Par contre, tu régresses. Hein. Ouais, mais je crois qu'elle est tellement calme. Tu viens de commencer. Il est nul. Je commence par le point zéro, comment je ferai ? Vous la trouvez pas un peu soporifique, la prof ? Dis donc, tu vas aller au coin si tu me coupes la parole ? Zut, elle a entendu. J'ai dû parler fort. Madame, elle est trop gentille. Hein. Puisque vous voulez parler des couleurs des drapeaux, je vais vous demander de quelle couleur est le drapeau de la Bulgarie ? Il est bleu ? Il y a du bleu. Vert, rouge et non. Blanc. C'est l'Italie, ça. Il y a du blanc et il y a du bleu. Non. La bulle. Bah, déjà, la bulle. J'attends, moi, levez la main. La bulle, elle est de quelle couleur ? Oui, Vincent. Il y a du blanc. Oui. Il y a du bleu ? Non, Vincent. Ah merde, c'est pas écrit. Il y a du blanc. Mais... Madame, j'ai trouvé des feuilles qui vous appartiennent. Il y a du vert. Oui, Vincent. Ouais. Bah voilà. Il y a pas mais de rouge. Il manque une couleur, Vincent. Le jaune. Rouge, non. Non. Mais non, c'est pas du jaune. Bleu. Rouge. Noir. Noir. Non. Blanc. Non, orange. Je crois que quelqu'un a dit la bonne couleur tout à l'heure, mais comme vous parlez tous en même temps. Bleu. Rouge. Oui. Bah, je l'ai dit tout à l'heure. C'est dans quel ordre ? Mais je l'ai dit aussi. En plus, moi, c'est vertical ou horizontal déjà ? C'est horizontal. C'est horizontal. Ouais. Oui. C'est jaune, vert, rouge. Non. Ah bon ? Non, c'est vert, rouge. Vert en haut, rouge en bas. Non plus. Ouais, bah c'est le contraire. J'ai dit quand même deux couleurs sur trois. Hein. Attends, elle a dit deux couleurs. Bon, Vincent, je vais t'aider. Merci, madame. C'est quoi déjà comme couleur ? Il y a deux couleurs ou trois ? Il y a trois couleurs. Bah, c'est alors. Mais c'est lesquelles ? Mais on l'a dit. Vert, blanc, rouge. Tu trouves pas, toi ? Ouais. Non plus. T'es un loser. Vert, jaune, rouge ? Loser. Non plus. Non, mais pourquoi ? J'ai pas ta forte taille, là. Je comprends pas, là. Pourtant, j'en donne des couleurs, hein. Bon, Théodore, donne-moi une proposition. À moi ? Oui. Ah, rouge ? Non, je demande l'ordre des couleurs du drapeau. Bah, la bonne. Mais il est où, sur la feuille ? Il est pas sur cette feuille. Donnez-moi ça. T'as pris je sais pas, j'ai piqué une feuille. Oui, oui, parce que j'étais voleur dans une autre ville. Alors, est-ce qu'on peut reprendre les couleurs, s'il vous plaît ? Je crois qu'il est vert rouge. En premier. Il y avait du vert, non, du rouge. Non. Rouge en premier. Bah, blanc. Du blanc. Vous avez tout faux. Oui, exactement. C'est voilà, voilà. Blanc. Blanc, c'est italien, vert, rouge. Oui! Mais ben voilà! C'est incroyable! Enfin, incroyable. Mais c'est ce que j'ai dit! Ah oui, bah ça pourrait être incroyable, c'est incroyable! Hein. Merci, ça, madame! C'est bien, Vincent, et je suis fier de toi, tu fais des efforts! Merci, madame! Ouais! J'ai tout niqué! Bah, en fait. Il en fait, il avait les couleurs derrière son armoire! Et on raquette à la. Oh, ouais, je crois qu'on a envie de faire sa fête! Ouais, essaye, tu vas voir! Qui c'est qui m'a parlé de la Pologne tout à l'heure? Quoi? C'est le Fayum, dame! Moi j'ai dit Pologne, alors. Bah, je vais vous donner une question par rapport à ce pays. Je vais vous demander quelle est la capitale de ce pays. Varsovie. Bravo. Ah c'est bon. Ah. C'est bien. Varsov. Théodore, va falloir vraiment te réveiller. On parlait de quel pays? Je suis la Pologne. Ah ouais. La Pologne. Ah, tu vois ce que ça fait de répondre trop vite, hein, comme t'as fait tout à l'heure. Na. Tac. Et il y a des Polonais, des Polonaises. Ouais. En effectivement, Pologne. Vincent. Ouais. Ont-ils des Polonais, des Polonaises? Il y a Auschwitz. Oui. Oui, maintenant oui. Vous verrez ça avec le prof d'histoire que vous auriez tout ça. Ah, ouais. Vous aurez dans la fin de la journée. Birkenau. Il y a des fours. Oui, il y a des fours, c'est là-bas que j'ai appris la boulangerie. C'est mon papa, il était boulanger là-bas. Humour noir. Très noir. C'est pas bien, Théodore. Ah, il m'a jamais dit qu'il faisait cramer du pain. Hein. Je ne suis pas pour les guerres. Il est boulanger. Je vais vous poser une dernière question. Il y avait un prof de français qui s'appelait. Question un peu plus difficile. Ah, parce que c'était facile. Je suis sûr, je peux répondre. Je veux que vous me donniez un pays qui borde la mer Rouge. L'Arabie Saoudite. Bien. Le Yémen. Bien, oui. L'Israël. Oh là là là. La Croatie. Peut-être pas Israël, la Jordanie. C'est incroyable, je te donne deux bons points. Ah non, c'est la mer Noire. Si, il y a Israël aussi. Ah, merci, madame. Ah, là, je suis content. Les bons points. L'Israël. Non. Non. Oui. Oui, si, si. Ah, j'ai un bon point. Il y a Djibouti aussi, il doit y avoir l'Érythrée peut-être. Oui, c'est ça. Voilà. Ah, c'est la fin du cours. Ouais. Madame, j'ai vraiment un bon point. Non, Théodore. Putain. Bon, bah, on s'en va. Au revoir, madame. Très dissipé. Au revoir, Vincent. On se voit la semaine prochaine. Je suis ravie de vous avoir connu. Au plaisir de vous revoir, madame. Moi, je vous aime pas, moi. On la revoit jeudi à 14h. Ah, putain. Ouais, bah, c'est plus sympa. Je pense que ça va être dur, là. Eh, vous avez combien de bons points? Alors, j'en ai. Attends, j'ai perdu. Alors, on était en géo. Bordel, j'en ai eu que deux, moi. C'est nul, t'es nul. Mais ouais, mais c'est ta faute, Vincent. T'as trop léché le cul de la prof. J'en ai un, deux. Moi, je dis. J'en ai cinq. Théo, tu pourrais partager tes bons points, quand même. J'ai gagné, j'en ai sept. Qui ça? Ah non, c'est moi, Théo. Tu pourrais partager tes points avec Théo, donc avec moi. T'as sept bons points, toi? Ouais. La vache. Ouais, bah je sais que je. Comment t'as fait ça, toi? Tu as piqué des bons points, c'est non, pas possible. Là, j'ai failli ôter. J'en ai cinq. Là. J'ai failli ôter. Bon, on va écouter de la musique sur une star, évidemment, avant alors, de revenir tu vois, au collège Michou. Oui. Vincent, tu vois, la musique, ça s'écoute là-dessus, sur un téléphone, pas sur un Walkman. Ouais, bah je vais t'apprendre la vie. Le Walkman, c'est la vie, tu vois. C'est ce que disait mon papa. C'est périmé, ça. Moi, j'ai un Nokia. Il est obsolète, ton truc. 3310, t'as le Snake. Oui. Oh, trop bien, je peux te l'emprunter. Moi, si tu veux, j'ai joué en cours tout à l'heure. Oh, j'ai trop fort, hein, Snake, j'ai fait 860, et toi? C'est pour ça qu'on t'entendait pas, t'étais moi sur je ton pense thème. Que j'ai fait que 50 points. Ah ouais, elle est nulle. Tiens, je vais mettre Doria avec son titre Trajet, c'est cool. Ah ouais, il est cool celui-là. Ouais. Je crois qu'il passe sur Indestar celui-là, non? Ouais, c'est vrai. Oh, c'est ma radio préférée. Ouais, ah ouais, toi aussi? Ouais. Ah ouais, viens, on l'écoute ensemble après les cours. Ouais, on va kiffer. C'est ton regard qui a parlé. J'en dis pas trop, j'suis toujours de spi. Je trace, j'ai plus d'inspi. J'ai toujours mes principes. C'est ta faute et je m'éloigne. Ah ouais, si tu gaffes là, qui sauvera tes arrières? Ça m'égale, moi j'ai pu compter mes galères. J'ai beau parler, tout est dans les actes. On est tous là, est-ce qu'on sera là après? Y'a trop de vices, j'me pose trop de questions. Si j'loupe le virage, j'perrai l'addition. Aïe, aïe, débordé, focalisé sur le trajet. Aïe, aïe, combien de vrais, combien j'en perds sur le trajet? Bang, bang, j'ai le cœur touché. J'encaisse, j'encaisse, j'encaisse, je panique pas, je panique pas. Je stresse, je sais, je me tais. Les cours, le taf, on a séché. Le bien, le mal, on a fait. On a donné. Les larmes qui tombent le soir cachées sous l'averse. Me dis tout ce temps, je vais réduire la distance. Qu'est-ce que t'as des manières, je les connais toutes. Tout ce temps, ah ouais, tout ce temps, tout ce temps. J'ai vu trop au fil du temps, j'ai plus de patience. L'horloge qui tourne, on vit nos vies en court-métrage. Sors de la file, moi j'ai fixé mon propre trajet. Y'a trop de vices, j'me pose trop de questions. Si j'loupe le virage, j'perds l'addition. Aïe, aïe, débordé, focalisé sur le trajet. Aïe, aïe, combien de vrais, combien j'en perds sur le trajet. Bang, bang, j'ai le cœur touché. Bang, bang, si jamais j'suis fâché. Gang, gang, le terrain miné. Bang, bang. Aïe, aïe, débordé, focalisé sur le trajet. Aïe, aïe, combien de vrais, combien j'en perds sur le trajet. Bang, bang, j'ai le cœur touché. Si jamais je suis fâché, gang gang, le terrain est miné, bang bang. Ce soir, émission spéciale en direct et en podcast sur indestar.fr. En direct du collège Michou ce soir, puisque nous retournons quelques années en arrière pour l'équipe. Alors peut-être que vous, ça sera quelques années en avant si vous êtes en CM2 et que vous passez en 6ème l'année prochaine. Oui, vous allez découvrir le collège. Ouais, vous avez un aperçu de ce qui vous attend. Le collège, en grosso modo, pour résumer, c'est un truc où c'est la loi de la jungle. Où il y a des profs qui sont cool et il y a des profs qui sont moins cool. C'est pas comme votre maîtresse de CM2 où de toute façon c'était toujours la même et vous saviez à quoi vous attendre. Là il peut tout se passer au collège. Et faut défendre chèrement sa peau. Et là nous sommes en classe de 4ème. Donc on est un petit peu des avancés déjà dans le cursus collégien. Ouais, alors parle pour toi hein, parce que moi la géo Ah non mais j'ai pas dit qu'on était avancé sur le... Je veux dire, j'ai pas dit qu'on était fort hein, j'ai dit qu'on était... En 4ème, donc c'est la 3ème ouais. classe du collège, quoi. On rentre dans le vif du sujet c'est et l'année prochaine, c'est le brevet. Ouais, c'est vrai. Faudra qu'on passe le brevet l'année prochaine, ça va être. De quoi Je comprends pas, il parle de 4ème, de 3ème, je comprends pas. Non, rien. Là, vous allez, on va en 4ème. Il a dit que c'était la 3ème. On est au collège Michou ce soir, en 4ème D. C'est encore la fin de la récré, bordel. On a suivi le cours de géographie, le cours de français, ouais. Le cours de mathématiques. Putain, ça m'a fatigué tout et ça. Et là, on va en cours d'SVT. Ouais. Science et vie de la Terre. Vous savez quoi, je crois que je vais aller dormir en cours d'SVT. Moi, en SVT, j'avais 2 de moyenne. Ah ouais? Ouais. L'année dernière? Oh, c'est dur. Non, en 3ème. Moi, j'adorais l'SVT. T'avais 2 de moyenne. C'était quoi que t'avais en moyenne? Le S, le V ou le T? Je sais pas. J'avais une prof qui était hyper relou. J'étais bon en SVT. C'est vrai, t'étais bon. Ouais. Bon. Bah, on va voir si t'es aussi bon. Bah, non, j'ai envie de dormir. Non, moi j'étais. Ok, d'accord, on va pas dormir alors. Moi j'étais doué, mais c'était en SVTT. Ah oui. Science et vie de ta mère. Bon, on reprend notre peau d'élève et on est reparti en cours parce que dans la vie, faut travailler. Putain, le travail, c'est la santé, tout ça, tout ça. Faut aller au premier étage, je crois. Ah, flemme de monter les escaliers, y a pas un ascenseur. Viens, on prend l'ascenseur pour les profs handicapés. Non, mais de toute façon, cool, vas-y. On était au deuxième, faut descendre. Mais non, on était en récré. Ah! Oui, T'as trop pas suivi. Mais c'est clair. Non, mais je crois que je me suis endormi pendant la récré. Moi. Ah, peut-être. Bah, moi, je vais aller dormir en cours parce que SVT, c'est trop facile pour moi. Moi, je fais des, tu sais, des tableaux avec des cases et dans les cases, je mets les minutes qui nous restent comme ça. Je sais que la récré elle est bientôt. Mais t'es pas en maths, toi? Mais non, mais c'est pour, c'est pour se dire ah, tiens, dans 2 minutes, il y a la récré, c'est trop bien. Mais tu vas te tromper, j'en sais. Sinon, tu peux regarder l'horloge, c'est bien aussi. Hein. Ah, c'est vrai. Ton téléphone. Ah non, sur Walkman, y a pas. Hey, bon, allez. Vas-y, frappe à la porte. Mais tu vas casser la porte. Bah il est pas là. Ah non, il est pas là. Non. On rentre quand même. Ouais, salut, attendez, je suis en retard. Ah putain. Oh, ils sont cons, ils ont fait des bouchons sur la route, j'en ai marre. Ah, je crois qu'il y a un étage. Alors, salut. Ah, salut monsieur. Et t'appelles comment toi? Bah moi c'est Vince. Ah, salut. Vraiment? Ouais, enfin c'est Vincent. Mais ouais, salut Vince. Ouais. Moi c'est monsieur Bourdon, ouais. Ouais, non. Monsieur Bourdon. Ouais. Ah, comme le mec des Inconnus là, quoi, regarde mon père. Non, mais il va nous le faire. Ah, je connais pas, mais ouais. Tu sais, il fait. Ouais, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Bah, le bon chasseur, c'est un bon chasseur. Et le mauvais chasseur. C'est un chasseur, mais mauvais, tu vois, il fait comme ça. Vince, on est en SVT, je vais t'apprendre que chasser, c'est pas forcément la meilleure des idées. Ça dépend comment. Pour te nourrir, oui, pour le plaisir, non. Ah, mon père, il fait partie d'un club de chasse pour ça. Ouais, bah ton père, il faut qu'il vienne en cours. Toi, tu t'appelles comment, petite? Moi, je m'appelle Alicia, m'en fous. Alicia, enchantée, Alicia. Quoi? Écoute ça, tu t'en fous? Non, c'est mon nom de famille, monsieur. Oh mon dieu. Pauvre famille. Alicia, m'en fous. D'accord. Bon, bah, Alicia, enchantée, hein. Moi, c'est monsieur Bourdon. Salut. Des fois je galère à venir. Toi là, au fond là, t'es qui? Alors moi c'est Djoku tout court. Djoku tout court? Djokovic. Oui, parce que elle a un nom de famille, moi j'en ai pas. Alors c'est Djoku tout court, tout ça. T'as pas de nom de famille? Non. Mais c'est tu viens d'où, Djoku? En fait, bah, c'est tout de court. De là-bas. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, toi, par hasard? Ah si. Pourquoi? Et c'est quoi ton blaze? Il s'appelle tout court. Mon blaze, c'est Djoku. Tout court. Tout court. C'est nul. Tout court, parce qu'il n'y a pas de nom derrière, alors c'est du coup tout court. Ah, c'est pas grave, je suis ravi de te rencontrer. Allez, rentrez, parce que on a déjà perdu 10 minutes. Allez, installez-vous, faites comme chez vous, voilà. Vous pouvez prendre une bouteille d'eau, faites attention quand même aux appareils à côté, ça brûle un peu. Ouais, c'est un peu de l'acide sulfurique. Prenez vraiment de l'eau. On est d'accord? Ok, monsieur. Je veux pas de catastrophe. Ça m'a encore coûté 2 élèves la semaine dernière. Non, il est malade. Oui. Catastrophe, il est malade. Qu'est-ce que ça fait si on met cette goutte-là dans cette. Je viens de dire quoi, Vincent, bordel? Oh, bon, c'est pas grave, j'ai un taux de perte de 5%, j'ai encore. Monsieur, ça sert à quoi ça? Bah, ça, il faut pas y toucher en théorie. Ça, c'est l'acide chlorhydrique. Tu viens de faire fondre ta table, Alicia. Alicia, ça va être facturé. Tiens, bon. Tu joues un peu avec. Bref. Oh. Alors, comme vous l'avez compris, vous êtes en cours d'SVT avec moi, monsieur Bourdon. Monsieur Bourdon. Je veux pas vous filer le cafard. Ah, le comique. J'aime bien ça, moi, les petits jeunes qui rigolent. Ah, moi, je kiffe à vos blagues. Alors. J'ai envie de savoir à peu près ce que vous connaissez de la vie et de la terre, évidemment, du corps humain et de la vie surtout. Vous faites pas l'appel? Comment ça l'appel? Bah oui, l'appel, le radeau. Non mais tu sais... Je fais le râteau. Je fais le râteau. Genre vous dites Vince et moi je dis ouais présent. Tiens, j'aime bien les jeux de mots. Un bon point. Franchement, non, je fais pas l'appel parce que j'ai des élèves qui me mentent. Comme je vous l'ai dit, la semaine dernière j'ai perdu 2 élèves parce que là c'est le furique forcément. Ouais. C'est pas grave, moi j'ai un taux de perte de 5% dans le collège, c'est bon. Mais j'ai, monsieur, par mois. Vous inquiétez pas, catastrophe il est malade, il y aura pas de catastrophe. Bon bah tant mieux alors. Je le connais pas ce catastrophe, mais bon, espérons qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, c'est pas grave. Moi j'enseigne à ceux qui sont là. Voilà. C'était une meuf, on dit une catastrophe. Ah bon? Oui. Ah bah, oui. Bah tant pis. Hein. Non mais c'est vrai que Vincent, arrêtez de regarder les meufs, hein, franchement. Enfin bref. Alors nous allons parler du corps humain en règle générale. Ça, c'est un truc qui me plaît, ça. Non, on va pas parler sexe. Ah, c'est dommage. Pas ce cours là. On va parler des. C'est à quel cours qu'on parle de sexe? Les organes. Ah bah, c'est pareil. Il y a le sexe. C'est pas vraiment. Ouais, bah, bref. Laisse tomber. Organe reproducteur, monsieur. Ouais, si on veut. Elle a trop raison, c'est reproducteur. Ouais, oui, c'est reproducteur, mais organe, c'est un autre débat. Enfin, bref. Quels sont les principaux déchets rejetés dans le sang par les organes? Après vous. Est-ce que c'est l'oxygène, les nutriments ou le dioxyde de carbone et l'urée? Le dioxyde de carbone, monsieur. Et l'urée, c'est la troisième réponse. Le sexe. Ok. Vincent, je crois que les cours d'éducation sexuelle vous font pas de mal un jour ou l'autre. Mais ça sera pas dans mon cours. On apprendra comment copuler, mais pas forcément. Ah, on fera des exercices pratiques? Non, bah, justement non. Ça, vous ferez ça avec le planning familial. D'accord. Oui. Toi, au fond, Djoku. Ouais, oui, bah, c'est la troisième là. C'est vrai, t'as tout à fait raison. Non, mais c'est moi qui ai dit la troisième. Elle a répondu en même temps avant moi. Mais elle a répondu à la moitié de la réponse. Ah. Ouais. Mais oui, merci, vous avez monsieur. Tous les deux mérité un bon point. Là, elle a répondu en même temps avant moi. Hein. Donc oui, dans le sang, les organes, ils rejettent du dioxyde de carbone. Ça, c'est pas. Ça, c'est pas bon pour la planète. Les poumons, bon, c'est pas grave. Oui. C'est pas bon tout court. C'est pas faux, mais c'est pas ce que j'attendais. Ah, Vincent, ça va aller, t'inquiète. Les pots d'échappement des voitures, ils rejettent du dioxyde de carbone? Ouais. Voilà. Voilà, c'est ça. T'as tout compris. Mais toi aussi, t'en rejettes? Ah bah, je... Mais par les poumons, hein, pas par le cul. Non, par les poumons, je viens de te dire. Et vous vous rendez compte, on jette des pots d'échappement de voiture. Et... Voilà. L'urée, ça sort par où, Vincent? Par la bite. C'est bien. Mais on dit comment en SVT? Le sexe. C'est pas par le pipi. On va dire ça comme ça. Oui, c'est le pipi, effectivement. C'est le pipi. Ouais. C'est un composant de l'urine, l'urée. Ah. Et cette Alors... fois-ci, j'avais la bonne réponse. Hein. C'est le bien sexe. Vincent. Hey, Vincent. Oui. Toi, ça se voit que t'aimes bien le sport. Ah ouais, et le sexe aussi. Non, c'était une blague, hein, je me foutais de ta gueule, c'était ironique. D'accord. Oh là là là, mon dieu. Vincent. Ouais. Il va falloir que tu me cites 3 paramètres physiques qui augmentent quand tu fais une activité musculaire quand tu fais du sport. Qui augmente ? Oui. Est-ce que c'est petit A, attention, suivez bien, la température corporelle, le rythme cardiaque et le rythme respiratoire, hein ? Petit B, la taille des muscles, le rythme cardiaque et le rythme respiratoire, ouais. Ou petit C, le volume du sang, le rythme cardiaque et le rythme respiratoire. Je pense que c'est le volume du sang parce que dans le sexe... On est sur l'ardoise, monsieur. On a une activité. Je vais vraiment aller vous envoyer vers l'infirmière qu'elle vous donne un truc. Hein. Alors, Alicia, le volume du sang, ça augmente vraiment? Oui. Non, ça serait plus le débit. Quand on sexe, le volume du sang, il afflue, hein. Parce que vous avez une bite, vous. Non, pas moi, mais, c'est Vincent qui me l'a dit. Vincent, il vous dit beaucoup de conneries, je crois. Joku, encore une fois, vous avez raison. Effectivement, la température corporelle augmente. Le rythme cardiaque et le rythme respiratoire aussi. Alors que la taille des muscles, non. Ça, c'est après, c'est la cicatrisation, parce que tu les déchires un peu lors du sport. Et le volume du sang, il change pas vraiment. Mais je sais pourquoi Vince, il a répondu ça, parce qu'il a son cousin qui fait du culturisme et au bout d'un an, ses muscles, ils ont augmenté. Et les vaches font culturer. Il est vachement culturé, de fait. Dites-lui de vous apprendre des choses, alors. Moi, pff, t'inquiète, je suis un chien-varieur. Ah ouais, je vois ça. Bon. Alors, on va repartir avec le sang. Le sang, le rouge, ce qui saigne de votre pif si je vous mets un bon point dans la gueule. Ou les filles. Ou les filles quand elles ont leurs règles, effectivement, ça pisse le sang. Et un peu de cailloux aussi, mais bon, c'est... on en reparlera dans... Alicia, t'as ton équerre ? Ah non, t'as tes règles. On verra ça en cours de maths, Vincent. C'est drôle. J'en parlerai à votre prof de maths, parce que... Alors, que prélèvent les organes dans le sang pour pouvoir fonctionner ? Donc le sang... Qu'est-ce qu'il donne aux organes pour qu'ils fonctionnent ? Est-ce qu'il donne du glucose ? De l'oxygène ? Ou... Attendez les réponses, mademoiselle Alicia. Oh. Le glucose, l'oxygène ou du dioxygène et des nutriments ? Oh la vache ! Vous pouvez répéter la question ? Je pense que c'est la 2, tu sais. Alors j'ai du glucose pour Joku. Vincent, vous m'avez dit l'oxygène. Ouais, et l'oxygène. Ben non ? C'est la 3. Ben oui. Je le savais. Dans les organes, ils distribuent des nutriments pour les organes. Ils distribuent aussi du dioxygène qui est un composant de l'oxygène. Bah oui. Ouais. Parce que dans l'oxygène, il y a quoi d'autre ? Il y a du dioxygène. Il y a de l'O2. Il y a de l'idiocygène. Je pense qu'il y a de l'eau. Je comprends plus là. Il a parlé d'idiocygène. Il y a dioxygène. Il y a pas H2O. Ah mais je croyais qu'il faisait de ma gueule en disant idiocygène. Il y a H2O, il y a H2O. Oui. Non. Ah ouais. Non. Non, c'est de l'eau. H2O, c'est de l'eau. Ah ouais, mais il y a de l'humidité. Non, mais moi j'allais dire l'idiocygène, il a qu'à partir. Hein. Dans l'oxygène, il y a de l'humidité. Franchement. Allez, ça vaut un bon point. J'aime bien les bonnes vannes. Il y a que Joku qui gagne des points. Bah ouais, alors que nous on dit des bonnes réponses. Bah non. Tu veux pas aller au fond de la classe, Vincent ? Je suis sûr, il y a de l'humidité. Bah trop tard. Allez, Vincent, pensez pas au sexe. Vous allez y arriver. Vincent, je sais que c'est dur. On va aller au fond de la classe, on va aller faire cours à notre manière. Ouais. Non, vous faites pas ça, j'ai pas le droit. On va faire de la pratique. Attention, je sépare des tables, c'est fort. Hein. Alors, quel organe permet aux insectes ? Vous savez, c'est des trucs que vous aimez pas forcément. Ouais, pourtant, ils sont gentils. Moi. Vincent, c'est pas bien. Bah si. Vincent, vous allez mourir un jour. C'est pas bon pour la planète d'écraser les insectes. Et alors, tout le monde va mourir de toute façon. Ouais, mais plus tôt que prévu. Vous aurez même pas eu la chance de connaître le sexe, Vincent. Merde, ça alors. Vous savez pas, monsieur. Quel organe permet aux insectes de respirer ? Bah le nez. Les branchies ? Les poumons ou la trachée ? Réfléchissez, c'est des insectes. Bah alors, Vincent ? Je sais pas. Réfléchis pas avec sa bite, hein ? Encore une fois ? Je sais. Des poumons pour... Vraiment ? Bah ouais. D'accord. J'ai mis des poumons aussi, tu sais. Vraiment ? Bah ouais. Ok. Et la trachée, ça... Non ? Bah ça va aux poumons. J'ai mis la trachée, monsieur, moi. Ils ont pas vraiment de poumons, les insectes. Il pourrait avoir des petits poumons. Hein. J'ai mis la trachée, moi, monsieur. Si hein. On veut. Non, mais c'est par la trachée, effectivement. Ah, c'est par la trachée. Ouais. Ils sont pas là. Ils sont pas comme nous. Mais comment ils vont ? Parce que nous aussi, ça passe par la trachée, genre. Ouais. Mais après, il y a des poumons, tu sais. Bah ouais. Non. Parce que moi quand mais c'est pas exactement ça. Non, parce que c'est un peu plus complexe que. Parce que moi, quand je me déguise en insecte, je respire quand même par les poumons. Ouais, mais là, c'est grâce à vos poumons que vous respirez. C'est pas grâce à votre trachée. Eux, les insectes, c'est grâce à la trachée. Non, mais lui, il s'habille en sauterelle. Et monsieur, moi je veux bien un bon point, j'ai eu la bonne réponse. Oui, hein. Alicia, je vous donne un bon point. Pour une fois que vous suivez quelque chose, oui. C'est pas mal. Alors, Attention, dernière question. Déjà ? Elle est facile. Mais j'ai qu'un bon point, monsieur. J'en ai que deux. C'est pas grave, tu peux te rattraper sur la dernière. Pense pas à ta bite. Pense pas à ta bite. C'est les questions du niveau 3ème au moins qui nous posent. Monsieur, vous êtes vulgaire. Ah, mais c'est la SVT, hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, des fois. Une bite est une bite, quoi. Oui, même si normalement en cours on dit sexe, mais bon, il nous l'a dit tout à l'heure et il l'a dit tellement de fois que. Le bon. Sexe. Ouais, faut changer un peu. Hein. Alors, de quoi est composée pas ta bite, Vincent ? Une cellule. Une cellule du corps humain, on est constitué de beaucoup de cellules. Ah, donc, c'est composé de trois éléments. Ah bon ? Est-ce que c'est noyau, cytoplasme, membrane, comme un œuf ? Est-ce que c'est coquille, cytoplus et graines, comme un œuf ? Est-ce que c'est pépin, peau, étoile, pépin comme un... Bref. Bah non, c'est pas comme un œuf, ça. Non, ça, pépin et peau, c'est comme le raisin. C'est l'âge. Ah bah oui, c'est un noyau, un cytoplasme et une membrane, bien mais sûr. Oui. Et bah non. Bien sûr. C'est tout une... Non, je déconne. Ah, j'ai... Vincent, j'ai failli le perdre. Je me disais, la réponse du coup, c'est sexe. Bah non, Vincent. Hé, Vincent, est-ce que je vous donne un bon point, Vincent ? Bah ouais, j'ai trop la bonne réponse. J'ai eu deux bons points. Mais non, faites-le passer à votre voisin. Oh là là là là là. Fais passer à ton voisin. Passe le message à ton voisin. Bon. Ça vous a plu, ce cours ? Bah non, il reste encore du temps. C'est vrai ? Ah ouais, vous savez quoi ? Allez, sortez. Allez, on récré. Allez, vous amusez un petit peu, détendez-vous. Cool. Ah, ça y est, c'est la récré. Ah bah, vous n'allez pas vous détendre longtemps, en fait. Allez, amusez-vous. Bon, ouais, ça m'amuse à écouter de la musique. Donc, et j'ai que deux points supplémentaires. Moi j'en ai trois. Alors attends. Mais j'ai entendu ça, un prof gueuler quand même un petit peu. Il était bizarre. Non, il était nul. Ouais. Alors, c'était quoi le prof d'SVT ça ? C'était quoi, j'ai déjà un truc en SVT. C'est Monsieur Bourdon, je crois. Monsieur Bourdon. Ouais. Vous avez bien géré, ouais. Angie, t'as combien ? Parce que moi j'ai fait une petite sieste, je vous avoue. Moi, j'ai 3 points. Ouais, t'as encore été chez ta copine l'infirmière ? Non, j'ai respiré un truc à côté. Ah, ça m'a fait dormir. Toi, t'as des poumons ou une trachée ? Ah, j'ai des poumons, moi. Non, parce qu'il nous a bassinés avec les poumons et les trachées, là. T'as 3, combien de bonbons ? Il vous a craché dans les poumons ? Ouais, il nous a raconté une histoire de trachées avec les poumons qui avaient pas chez les insectes. Quoi ? Vous avalez des insectes par la trachée ? Ouais. Les jeunes diraient, c'est trop relouf. J'ai rien compris, en fait. Ah, d'accord. Ouais, j'ai bien fait de dormir. Est-ce que vous avez été voir au ciné pendant les vacances le film Top Gun ? Bah, coup, on est en 61, il est pas sorti. On est pas en 61, on est en 2022. Ah, je crois. Oh, bah, là, je sais ah, plus. Putain, c'est une vraie information ça. Mais oui, c'est une vraie information. Mais personne va voir ça. Bah, moi j'y étais. Vraiment ? Bah oui, parce que mon papa voulait y aller. Moi j'ai été voir le dernier pas de patrouille. C'était pas pareil. Il y a pas longtemps. Bah, figure-toi qu'il le premier avait j'ai loupé un épisode. Alors, sorti dans les 80. Si je comprends bien. Il y en a un qui a été voir un film parce que son papa voulait y aller et un autre qui en a été voir un parce que son fils voulait y aller. C'est pas faux. Exactement. Mais il est pas mal le dernier pas de patrouille. Et le dernier Top Gun est pas mal aussi. Et la BO est non pas de Camila Cabello pour le coup mais de Lady Gaga. Ah. Et ça s'appelle On My End et on va écouter la reprise par Sarah H sur InDestar de On My End. J'ai une info sur Lady Gaga. Ah, j'ai compris. Lady Gaga va jouer dans un film assez célèbre. Qui est ? Bah, devine. Non. Star is Born. Non, il est déjà sorti. Ouais, c'est qu'il connaît avec pas. Un monsieur qui est drôle et qui fait le clown. Elle va jouer dans l'univers de DC. DC elle d'ailleurs. Elle va jouer Harley Quinn. Oui, okay, avec le Joker. Ouais. Avec Joku. Un personnage drôle. Elle va jouer avec Joku. Non, avec Joker. Avec Joker. Okay. Un clown sanguinaire qui détruit des gens. Moi, je sais pas trop qui c'est, mais ça a l'air bien. Un clown sanguinaire qui. En tous les cas, cette reprise elle est bien. Elle est sur InDestar évidemment. InDestar. Bon, ça y est, les enfants sont couchés, on va pouvoir écouter notre émission. Oui, mais il est un peu tard, tu ne crois pas ? Pas de problème, je vais sur indestar.fr rubrique podcast ou sur n'importe quelle appli mobile de podcast. Je cherche l'émission et hop, c'est comme si on voyageait dans le temps et qu'on se retrouvait au début de l'émission. InDestar, là où tout commence. C'est génial, ça veut dire qu'on peut faire un troisième enfant ? N'exagère pas quand même, c'est l'histoire de Thomas, de Lise et de Léa, de Mathéo, Zoé et Lucas. Ils habitent en France, au Canada ou en Belgique. Ils ne se connaissent pas mais ont pourtant un point commun. Ils écoutent InDestar. InDestar. Original, reprise et mash-up, des émissions déjantées, des découvertes et du fun toute l'année, du bout des doigts, sur ton smartphone, ta tablette ou ton ordi. InDestar.fr, TuneIn Radio, Deezer ou Orange Radio, choisis ta plateforme d'écoute et viens rejoindre la communauté InDestar, là où tout commence. InDestar, là où tout commence. Redécouvrez la musique. Prends ma main, je t'assure tout ira bien. Je sais que tu n'as pas toujours été serein. Viens plus près, enveloppe-moi de tes bras. Je vois que tu as mal, mais je ne sais pas pourquoi. As-tu besoin de moi? Je vois bien que tu saignes, ou de quelqu'un qui te comprenne. Et si tu le veux bien, je marcherai avec toi jusqu'à ce que la nuit nous entraîne. Regarde-moi dans les yeux. Cette peur en toi partira. Donne-toi le temps. Je peux voir tout ce que tu ne vois pas. Ça passera, laisse la vie te dire comment. As-tu besoin de moi? Je vois bien que tu saignes, ou de quelqu'un qui te comprenne. Et si tu le veux bien, je marcherai avec toi jusqu'à ce que la nuit nous entraîne. Tu pleures ce soir, mais ne me lâche pas la main. Quelle que soit l'heure, même s'il est tard, je resterai jusqu'à génial, bienvenue sur Radio Mission. À l'école, école, école, école. Parfois on récolte des heures d'école. On s'en fiche, on vient et on somnole. C'est vraiment génial, cool, super, oui. Et Dorothée ? Ouais. Assez vieux, hein. Ouais, bah vraiment. Ouais, juste 22 ans. Et encore, je compte 2000, hein. 96. 97 là, la fin de Dorothée. 28 ans. Ouais, bah ça va. Ça pique. Ça va, attends. Bienvenue au collège Michou ce soir. C'est le nom du collège dans lequel on essaye de travailler. On essaye d'avoir la meilleure moyenne puisque c'est l'objectif de cette soirée. On a pris de l'avance un petit peu sur la rentrée scolaire et on retourne en classe de 4ème. 4ème D. J'étais en 4ème D et c'est c'était une très mauvaise classe à l'époque. Parce que tu étais ou... J'étais au collège, oui, et j'étais en 4ème D. C'est ta faute si c'était une mauvaise classe. Non, la moyenne de la classe était d'environ 8, et moi j'étais au-dessus de la moyenne de la classe. J'ai jamais eu une moyenne de la classe négative. Comment ça négative? Enfin, c'est pas, j'ai pas dit moins 8, j'ai dit 8. Non mais négatif par rapport à 10. La moyenne. Par rapport à 10. Ah, par rapport à 10. Ouais. Bah pour moi, 10, tu vois, c'est oui, le milieu. Oui, mais moi, si tu veux, t'avais des gens dans ma classe qui avaient 0,25. Mais moi aussi, forcément, j'en avais... ça plombait. Mais nous, la majorité des gens étaient les doués quand même. Ouais, ben moi pas. Les lumières. La pète un peu quand même. J'avais un mec en 4ème. C'est... Coucou c'est à s'il nous écoute. Et il s'appelait Francis. Francis en quatrième avait 18 ans. Francis Lalanne. Et pesait 180 kilos et mesurait beaucoup plus que moi. Cubique. J'étais pas le. Oh, il avait pas de mal en même temps. Ouais, hein. C'est vrai. Moi je faisais 1m20, il en faisait 1m90. Tu fais pas toujours 1m20 ? 1m25 maintenant, attends, quand même. Bras levé, ouais. C'est moi qui dis ça. Et ouais, Francis était un bon gabarit et on se demandait ce qu'il faisait encore là. Et Francis avait 0,25 de moyenne, voilà, à 18 ans en quatrième. En fait, c'est un inspecteur. Peut-être. Un imposteur. Non, ouais. Moi, j'ai envie de dire chacun son rythme. Tu n'avais pas des meufs enceintes dans ton collège ? Oh, pas en quatrième, non. Non ? À mon avis, il a dû redoubler quelques classes. À l'époque, quelques ça, apparemment, ça existait au Moyen-Âge. Non, mais à mon avis, avec Vince, ça va pas tarder. Hein. Ouais, ça va. Ah, il va mettre sa main enceinte, je crois. Et quoi ? Moi, je suis trop un warrior, moi, t'inquiète. Hein. Avec le nombre de bons points que j'ai, t'inquiète. C'est pas mon papa qui m'a dit que si tu te prends le trop, tu vas avoir ta main enceinte. On va en quel cours maintenant les amis Oh putain c'est musique. En musique putain, c'est bien cool, on va faire de la flûte et ça sert trop à rien la musique. Regarde ma flûte m'appelle. Mes parents ils disent ça sert trop à rien la musique. C'est pas faux. Eh bien pourtant si ça sert. En même temps t'as un Walkman. C'est bien la musique. Bon vas-y c'est moi qui frappe. Moi je vais chanter. Eh monsieur. On est dehors monsieur. Oui. On oui, qui est-ce ? Qui est-ce ? Vous voulez rentrer ? Ben rentrez ! Bon, on est votre classe, bordel ! Hein ? Ah. Merci ! Bonjour ! Bonjour, monsieur ! Bonjour, bonjour les jeunes gens ! Bonjour, oui. Je suis monsieur Lagratte. Moi, c'est Vince. Ah ? Bonjour, Vince. Moi, c'est Alicia. Bonjour, Alicia. Moi, je m'appelle Théodore. Ouais, ben Vince, ça fait mieux comme nom d'artiste, hein. Et tac, dans tes dents. Ah, oui, ce bah. Théodore, on a l'impression que c'est un machin de l'entre-deux-guerres. Je veux pas dire, il a dit qu'il détestait la musique tout à l'heure. J'ai ouais, rien dit du tout, j'étais en dehors du cours. Je vais faire, t'inquiète pas, je vais le faire aimer la musique. Ah oui. Ça vous gratte, monsieur, non ? Ouais, bah oui, c'est monsieur Lagratte, c'est normal. Hein. Moi, Alicia, c'est un nom d'artiste. Alors, hein. Oui, ouais, aussi. Alicia Keys. Non, c'est le nom de Pink. Hein ? Son véritable ah ouais, prénom. Enfin, Alicia Keys. J'allais dire Alicia, c'est Keys. Alicia Clé ? T'as perdu tes clés ? C'est moins connu, ça, monsieur. Ah, c'est connu, oui. Ou alors, avec moi, comme vous l'avez peut-être pas encore deviné, on va faire de la musique. J'ai ma flûte, monsieur. Ouais, bah on en fera pas aujourd'hui. Moi, je vais faire du pipo. C'est ouais. Vrai, ça, monsieur, ça mais c'est pour lui. Ça, si j'ai bien compris, pour le pipo, faut aller voir Vince. Oh, bah, vous inquiétez pas, monsieur, on connaît très bien avec Vince. Bon, bah, d'accord. Ouais. Et du coup, si on fait pas de flûte, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, je vais... Non, ça c'est pour un prochain, cours. D'où il a un tam-tam dans son sac ? Je vais faire tam-tam sur ses têtes. Non, mais parce que mon frère il est parti au Sénégal cet été, il m'a ramené ça. Ouais, d'accord. Ouais, bah ouais. Alors, pour tester vos connaissances. Quel artiste ? Supprimez-lui son. Merci monsieur. En plus, il joue mal. Pour tester vos connaissances, je vais vous parler un peu de musique, de ce qu'est la musique. Alors, dans cette musique. Moi, j'ai la réponse. Ouais, alors c'est des notes de musique. Ouais. Ah ouais. Oui. Ouais. Oui. Et oui. Non mais j'ai juste voilà. C'est vous pas... êtes un artiste, monsieur, ça se voit. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. C'est lui, hein. Alors qu'est-ce qu'il faut répondre ? C'est lui. C'est lui. Ouais. C'est lui. Ouais. C'est moi, je dis c'est lui. Non. Monsieur. Alors, je vais vous parler de musique pour tester. Alors, je vous ai préparé un cours qui est un peu spécial. Mm-hmm. Je vais vous parler de la musique, de ce qu'est la musique, le rapport des gens à la musique, et de temps en temps. Je vais donner un nom de titre, je vais donner quelques mots, je vais faire quelques mots qui vont avec le titre. Ouais. Ah, il faudra me dire... Musique. Non, il faudra pas me dire musique, mais il faudra me donner le nom de l'interprète et si vous voulez, éventuellement l'année de sortie. Ah, c'est un blind test. Vous allez chanter, monsieur ? Non, parce que je veux... pour chanter, Joku, il est pas là parce que je l'aurais encore viré, il paraît qu'il chante comme une gamelle, donc... Annie Cordy, ça vous parle ? Annie, oui, Cordy, beaucoup moins. Elle fait des choses derrière l'église. Ouais. Ah bah ça doit me parler alors. Ça parle surtout à Vince, si j'ai bien compris. Ouais, je kiffe trop Annie Cordy, ouais. Surtout quand elle fait. Enfin bref. Voilà. Alors donc ce soir, comme tout prof de musique, je vais vous mener à la baguette. Ouais. C'est dégueulasse, monsieur. Ouais. Vous allez faire de la batterie. Mais je ne vous dirai pas quand même, je vais pas être sympa, je ne vous dirai pas les mots bleus. Les mots qu'on dit avec... Les yeux, c'est exact. Francis Lalanne. Christophe, voilà, c'est bien mon petit Vince, voilà. Ah, merci monsieur, j'ai alors, un bon pour point. Vous aider, vous avez compris, si jamais vous ne trouvez pas avec les mots, je lance l'extrait qui correspond à ce que je viens de dire. Et en plus, c'est super synchrone avec ce que vous dites, c'est vachement fort. C'est incroyable. Il y a une télécommande. On fait des choses formidables en 1961 ou en 2022, je sais plus maintenant. En 2022. Okay. Voilà. Alors. C'était assez vieux pour connaître les deux quand même, c'est bon. Bah, de toute façon, il n'y a pas de doute, quand la musique est bonne, vraiment bonne. Jean-Jacques Goldman. Oui. Ouais, je crois que. Ah, ah c'est pas ça ah. Ah, il a changé Jean-Jacques Goldman. C'est vachement bien, Jean-Jacques Goldman. Il y a, une erreur. Il y a eu une petite erreur de lecture. Ah ouais. Ouais. Je peux avoir un bon point, monsieur? Parce que je vous l'ai pas donné encore, mon cher Vince. Bah si, si, vous l'avez déjà. Oh, il a déjà plusieurs points. C'était non, ça fait. Non, là, c'est le deuxième. Ouais, non, mais on va. On va rattraper si tout à l'heure. Ouais. Alors, vous l'aurez compris, la musique, c'est mon rayon de soleil. Maman, c'est ton petit cul. Non, encore. Laurie. Non, non, non, j'ai même pas encore donné le titre. Ah mince. Ouais, c'est comme. Tiens, on dirait le sud. Ah ouais, mais Nino Ferret. On dirait. Voilà, le temps dure longtemps. Mais vous êtes très bon, mon petit Vince. Bah ouais, je sais, ouais. Alors j'ai oublié de vous dire quand même, Christophe Lémobleu, c'est de 74, Goldman, c'est de 82, et là, donc c'est une vieille chanson encore de 75. Eh hein. Oui. Hein. Alors, mon père, elle tenait. On n'était pas en 71. Voilà. Non, non, non, j'ai pas plus vieux que 74, là, normalement. Okay. Hein, 74. C'est un peu trop vieux, je crois. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas plus récent, genre plus est-ce que, de 2000, est-ce que parmi vous, quelqu'un connaît un rocker qui s'appelle Jerry Lee Lewis? Johnny Hallyday. Jerry Lee Lewis, oui. Oui, oui, oui. On dit de lui qu'il jouait du piano debout. Debout ah, France oui. Gall. Ah, France Gall, oui. Oui, c'est très bien. C'est très bien, ma petite Alicia. C'est ma chanteuse voilà. Préférée. Voilà, un bon point. Merci. Ah ouais, j'en ai mis un peu longuement là, ouais, là, j'avoue ouais. Bien joué. J'aurais préféré faire de la flûte, je crois. T'as dit, fais du pipeau. Non mais t'inquiète pas, Théodore, mon petit Théodore, pour faire de la musique, je te dis simplement, allez, prends ma main, viens, prends ma main. Prends ma main. Ah. Oui. Non, t'as pas. Grégoire. Non. Qu'est-ce que c'est ce truc? Connais pas ce mec. Booba, Caris. Connais pas du tout. Et le pire, c'est que tout à l'heure. La fouine. Théodore l'a dit tout à l'heure. Tu l'as dit tout à l'heure. Maître Gims. Ouais. Alors non du tout. Ça c'est pas Maître Gims. C'est pas du tout Maître Gims. C'est Gims et Vita. Mais c'est pas Gims ça. Mais s'il dit que c'est Gims et Vita, ouais, c'est Gims enfin, et Vita. Ouais, c'est Gims et Vita. Voilà, mais c'est quoi, Gims et Vita. Enfin, Maître Gims est devenu Gims parce qu'il veut plus qu'on l'appelle Maître. D'accord, mais Gims il fait oh, comme ça, il fait pas Zix. Non, pas là. Alors ça date de 2020, Gims et Vita. D'accord. Donc prends ma main. Et j'ai oublié mais de vous dire. Moi je connais Diams et Vita. Ouais. Confession nocturne. Non mais moi aussi j'ai offert un diamant à ma femme moi il y a pas longtemps aussi. En toc. Ouais. Hein. Ouais, bah bien sûr en toc. Hein. Quand on est prof dans l'éducation. Lui, on peut pas. Pour on peut pas. Ouais, diamant, ouais. Oh, vous êtes toujours en vacances. Non, on m'a toujours dit artiste raté, prof de musique accompli. Oui bah la preuve. Voilà de toute façon la preuve oui. Faut que je me ressaisisse moi. C'est comme ressaisis-toi. De toute façon moi je l'aime film. Je l'affirme haut et fort, sans contrefaçon. Je suis un garçon bien faveur. J'ai dit en premier. Théodore l'a dit en premier. Il a dit le titre, mais moi j'ai dit l'artiste. Moi j'ai dit le titre et l'artiste, quoi. Allez. On peut aller un chacun. Moi aussi je l'ai dit, hein. J'ai pas entendu. Ouais, parce qu'elle l'a pas dit. Moi je l'ai dit, Mylène Farmer, désenchantée. Ah non, c'est pas ça. J'acceptais. Sans contrefaçon. J'acceptais aussi comme réponse vilaine fermière, parce qu'il y en a que ça amuse de dire vilaine fermière. Ouais. Ça devait amuser les gars dans les années 80, ouais. Quoi. Non, mais c'est plus récent comme blague, hein. Ça date du début des années 2000. Ah, bah je pardon, crois. On n'était pas nés. Ouais, comme le poisson. J'étais pas nés. Ouais. Bah oui, nous, on est pas nés. J'ai une cousine, elle s'appelle Mylène, on l'appelle Myrlène. Comme la machine. Mire-vaisselle. Oh, Mire-vaisselle, ouais, ça date de 88, c'est Mylène Farmer. Alors la blague avec vilaine fermière, c'est qu'on l'a vu avec. Au bras de Florent Panier avec Pascal. Au bistrot, hein, donc c'est ça la Pascal blague. Au bistrot. Le chauve là Florent Panier. Florent Panier. Panier, Panier ah, avec Pascal au bistrot, et c'est vilaine fermière. Ouais, voilà. Avec. Vous pouvez me donner. Alors d'habitude quand on fait les enfants. Mais bon, font non, j'en ai une. J'en ai une. Y a eu un vol dans une boulangerie et Florent Panini. Oh tiens mon petit Vince, pour encourager la blague. Bon. Ah, alors, c'est quoi ce cours hein. C'est un cours déjanté. C'est un cours spécial, je dirais, monsieur. Désenchanté. Ah, ouais. Tenez, ouais. J'ai ramassé votre badge, je crois que vous l'avez fait tomber. Mais t'es désenchanté. Ah, asile de fou. Ah oui, attendez, j'avoue. Pas de soucis. Ah là. Mais je parle. Connaissez-vous la tribu de. Dana Mano. J'ai dit Mano. Mano ouais. Je veux le nom. La tribu de Dana, Mano. Ouais. Effectivement, je veux le nom de l'interprète. Merci. Et Manu. Bah c'est Mano. C'est Mano, mais il a dit Mano en premier. Ouais, mais j'ai dit la tri- vous avez dit la tribu de, j'ai dit Dana et j'ai dit Mano. Ouais, ouais, mais bah ça t'apprendra à aller trop vite. Bah t'as pas dit, enfin vous avez pas dit la tribu. il vous a tutoyé. Ouais, ça mérite d'enlever un bon point. J'arrive pas avec les vouvoiements. Moi, ça je pense qu'il devrait me donner un point du coup. Non, il devrait t'enlever. Oui, mais il devrait me le donner à moi. T'en as pas un petit? Bah non, j'en ai qu'un. Si, on en a trois. Ah bah si, un as, donc c'est bon. J'en ai qu'un. Comme ça, tu auras plein d'as. T'es pas sympa. Alors, l'un d'entre vous est-il un aventurier égaré de la... Indiana Jones? Non, non, ah, comment ça, c'est de l'aventurier? Indochine. Indochine, voilà. Oui, j'allais dire news. Je l'avais. Tiens, tiens, mon petit Théodore. Merci. C'est qui le chanteur? Eh ben, c'est... Indochine. C'est Indochine. Non, c'est... Alors, c'est Brian Malco, c'est... Comment il s'appelle? C'est à 82. C'est qui, c'est mieux? Nicolas Sirkis. Non, non, non, Nicolas Sirkis. D'ailleurs... C'est pas moi. Il a pas dit Nicolas Sirkis. Mais j'ai dit Sirkis. Quoi? Bah oui. D'où? Bah on verra tout à l'heure si t'as une demi-réponse, je te donnerai un point. D'accord, monsieur. Bah c'est de l'arnaque. Ouais. Ah, j'ai oublié de dire, la tribu de Dana, ça date de 98. Oui, ça, je savais. L'aventurier. Et vous auriez demandé, j'aurais eu un bon point. Je suis née à cette époque-là. Ouais. Et l'aventurier qui passe toujours en boîte de nuit, d'ailleurs, date de 82. Vous vendez Bob Morane. T'es super bien pour être en quatrième, toi. Hey, bah oui, mais moi, j'ai sauté des classes. Le héros s'appelle Bob Morane. Ah, oh, je savais pas s'il avait un bob ou pas vraiment. Ah. Est-ce que vous êtes comme moi, les jeunes là, quand vous êtes dans la, vous écoutez de la musique, êtes-vous en apesanteur? Calogero, oui, Calogero. Oui, que les secondes durent. Scheim aussi. Les durent des heures. Scheim. Calogero. Scheim. Non, il est juste tout seul. Scheim l'a fait aussi. Mais non, trop pas. Si, elle l'a repris. Ah, je l'ai pas vu, Shine. Ouais, c'est pas, ça vaut pas le coup de toute façon. Parce qu'en apesanteur, c'est que dans sa chanson. Parce que dans les concerts, elle est pas en apesanteur. Elle a essayé. Non, elle a... Ouais, j'ai vu ça à la télé, c'était marrant. Bon, allez, entre nous, je vais vous faire une blague, je la mettrai bien. Entre nous, Chimène Badi. Hein? Entre nous, la musique de c'est la musique de Chimène Badi, hein? Bon, c'était pas dans le questionnaire, mais j'avais promis. Mais t'as répondu à la question. Si à chaque mot, on peut dire un truc. Il y a des mots-clés comme ça. J'aimerais aussi, alors là, il y a plusieurs réponses possibles, ça va être bien. J'aimerais vous parler d'un ami qui s'appelle Diego, qui est libre dans Johnny sa Hallyday. Tête. Il est libre max? Non, non, non. Non, non, non, non, non, non, non. Non, c'est lui, c'est lui. Merci, maman. C'est des chansons sur les mecs aussi. Ah, Johnny Hallyday. Alors Johnny Hallyday, c'est j'avais la version... J'ai un peu de respect pour vous, monsieur, mais là... C'est la version de 91. La première qui l'a chantée, c'est France Gall en 81. Michel Berger en 83. Mais maman, elle écoute toujours ça. Véronique Sanson en 99. Et même la Starac. La Starac. Ah bah la... ça en fait des gens, voilà, qui ont fait la reprise. J'ai postulé pour... Il y avait du son pourtant. Le problème de Véronique Sanson, c'est qu'on... Si, il y avait du son. J'ai postulé, moi, pour être prof à la Starac. Ils n'ont pas voulu de moi. Hein. Tu m'étonnes. Sanson. Oui, moi aussi, ça m'étonne. Je comprends pourquoi vous avez une chemise de loup, du coup. Ouais, non, mais moi aussi, ça m'étonne que... Ouais, oui, oui, ah, on est très étonnés, monsieur. Ouais, franchement, ils auraient dû me prendre. Hein. C'est bizarre, ce prof. Hein. Ouais. Là, je vais pas... Là, ça va tout de suite faire plaisir à Vince. Parce que j'ai un moment de nostalgie, j'ai envie de vous parler des femmes de ma vie. Les L5. Je l'ai dit avant. Les L5. Oui, mais je suis une fille. Ouais, et alors? Bah, je passe en prio. Ah, c'était L3. Vous. C'était les L5. Toutes les femmes de ta vie. Sauf que j'avais pas prévu celle-là. Ah bon? Bon, allez, je suis généreux. Bah, ouais, trop. C'est gentil. Merci. Non, t'as rien dit, t'as fermé ta gueule, merde, toi. C'était quoi notre réponse? Bah, attends, j'ai pas encore posé la question. Ah, pardon. Les L5. D'ailleurs, vous connaissez l'origine du nom du groupe? Quadricolore. Non, ah, parce qu'elles étaient 5. Non, les L3. Non, c'est qu'elles étaient 5 à 5. Et en fait, ils avaient passé dans le casting avec des numéros. Et il y a une des 5 qui avait le numéro L5. Ah, d'accord. Ah. Donc, Quadricolore, c'était pour les Watford. Ils voulaient appeler ça Quadricolore comme les 4 couleurs primaires. Alors qu'en fait, il n'y a pas 4 couleurs primaires. Tu m'as piqué mon 4 couleurs. Ouais, enfin, ça aurait fait moins con que les Watford. Hein. Pourquoi les Watford Ouais, enfin, en même temps, les Watford, ils n'ont pas cartonné non plus de ouf. Hein. Non, bah, de toute façon, ils ne pouvaient pas, hein, les pauvres. Alors que les L5 est trop. Ah. Non, mais moi je voulais vous parler de Gabriel qui brûle mon esprit. Oh, Gabriel, Johnny Hallyday. Ouais, c'est Johnny. Encore, mais il y a que du Johnny. Merci, maman. Ton espoir étrange de ma vie. Il y a deux fois du Johnny, c'est nul. Ouais, ouais, bah c'est non, c'est pas nul. Ça a été fait. Petit c'est pas de ma faute, maman. Si j'ai une copine qui s'appelait Gabriel quand même, vous allez pas me le reprocher. Bah, il y avait Oh Gabi. Ouais, mais Gabi. Oui, mais j'ai pas eu de copine qui s'appelait pas Gabi. De la merde, ce soir. Par contre, moi j'avais Caroline, j'étais l'as de trèfle qui oui, piquait son cœur. MC Solar. Oui. Bah ouais, je l'avais trop. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. C'est mauvais. Caroline. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Et pourtant, l'as il sait pas jouer au poker d'après la légende. Cœur. Caroline. Vous voyez pas, mais vous voyez pas, mais j'aime bien la courée d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était madame, elle était ma camel, elle était ma vitamine, elle était mon crack, mon amphétamine, Caroline. Ouais. Tiens, un pied. Tiens, un bon point de consolation. Il a pitié. Il a pitié. Merci. C'est de consolation, j'ai pitié, oui. Oh, merci, enfin, Seigneur. À genoux. Mais je suis un grand nostalgique. Ah bah ça se voit, monsieur. Ah si, j'ai fini. C'est vrai que vous êtes plutôt Je grand. Suis très, très nostalgique. Ouais. Je me souviens de ma première copine. C'est dégueulasse. Qui s'appelait Michel. Michel. Dans les poèmes de Michel. Les poèmes de Michel. Michel Drucker, les yeux bleus. Bah quoi non. Michel non. Drucker. Non, non. Thierry non. Moïse, les poèmes de Michel. Non, c'est pas ça. Michel Lafon. Michel, ma belle. Michel Berger. Sont des mots qui vont très bien ensemble. Pas ça. Michel Delpech. Jackie et Michel. C'est de 65 en fait. Georges Brassens, des mots qui vont très bien. En fait, là, il chante en français, c'est un groupe anglais. C'est un piège que je vous ai fait. Rolling Stone. Mais non, pas 57. Yes. Oh putain. Bref, joué, Théodore. J'ai dit tout ce qui me passe. Il a mis au hasard. Oui, mais il a gagné. Il a gagné. Alors, comme nous sommes à l'école, j'ai un message à tous mes collègues. Message in the bottle. Police. Non. Ah tiens, je l'aime bien, je t'en donne un. C'est un de mes titres préférés. The message. Il y a aussi Just a Castaway. Ouais. Na na na na na. Yo. Oui. Ouais, et il y a aussi The Message, c'est un titre rap des années 80. Ouais. Hey, I send an SOS to the world. I send an SOS to the world. C'est vachement mauvais. Non mais moi je voulais dire à tous mes amis enseignants. Et surtout à vous, Madame Pavoshko, je fais des Black M. Ouais. Tu t'es trompé au début, non? Non, j'ai dit Black M. Non, elle a dit autre chose. Non, elle a dit autre chose. Ouais. Non, j'ai dit Black M. Non, elle a dit autre chose. Ah non. J'ai pas la ref. Mais non, j'ai dit Black M. T'as dit quoi? Parce que j'ai entendu. J'ai dit Black M. Ouais, j'ai entendu un autre. Mais je vous jure, monsieur, j'ai dit Black M. Ouais. Et j'ai dit Black M, et après elle a dit Black M. Ouais. Mais je vous aime bien, moi, monsieur. Ouais. Me faites pas ça. Ouais. Bah si, je vais le faire. Je vous déteste. Bon, alors pour pas me détester. Hein, ah, je vous aime, qu'est-ce monsieur. Qu'est-ce qu'on fait, moi? Merci. Ça me fait 9 bons points. Oh. Il ouais, en a bah... un peu trop, je trouve. Non, mais c'est normal, il est bon en musique. Moi, j'aime bien les gens qui sont bons en musique. Moi, j'en ai 7. Puis en plus, il a chanté, il m'a fait penser à une des chansons que je préfère. Alors, je pouvais que le récompenser, quand si même. Si vous voulez, j'écoute du ACDC. Je préfère Message in the Bottle. Allez. Ah non, par contre, j'aime bien Hell's Bells de CDC. Moi aussi. Ouais. Ouais. Mais ça te fera pas un bon point. Alors, bon. On vous dit à la semaine prochaine, monsieur. Alors, du coup. J'allais dire, je vous libère, les enfants. Revenez très vite la semaine prochaine. C'est mon coup préféré. Libéré, délivré. Non, mais c'est fini, hein. Ah. Vous pouvez pas allumer le feu, non? Parce que la cloche, elle a pas sonné. Ah. Bah, j'ai pas sonné, non, en effet, ouais. Ah, ça y est. Mais fallait pas le dire. Au revoir, monsieur. Non, mais je au revoir, monsieur, salut. Au revoir, les enfants. Au revoir, monsieur. Au revoir, les jeunes. On va manger la cantine. C'est mon cours préféré, hein. J'ai faim, mais putain, c'est chaud, hein. Par contre, t'es au dehors. Ça va. T'es trop nul en musique. Bah ouais. Et viens écouter sur mon baladeur. Bah ouais, on va écouter Fun. Non, on va écouter Chipson and Cigarette, c'est Jess Moscaluc. Oui, c'est sur Indestar, ça. Bah ouais, ça passe en direct sur Indestar. Ah, c'est cool, je vais me cultiver un peu. Bah ouais. Tu manques de cultivation, toi, hein, franchement. On va manger des frites. Ah non, c'est chez Bruxelles. Ah, merde. Oh. Dégueulasse. Bah, tu me files ta madeleine. Vas-y, oh, cool. Si tu veux. Take me high. vous pensez à la rentrée? Pas moi. Bienvenue sur Radio Michou, la radio des collèges Michou. Ouais, il y aura de la musique tout à l'heure. Mais pour le moment, place à la classe, l'émission en direct de la 4ème D. Uniquement sur Indestar. C'est la chanson de l'école, là où on mange le tube de colle. Ouais, c'est une chanson émergente. C'est pas voilà. Kids United, ça? Non, c'est j'ai trouvé ça sur YouTube. Non, ça c'est bien fait. C'est Michou United. C'est Michou United. Michou United, ouais, c'est les talents du collège Michou. Parce que c'est là où on est ce soir. On a décidé de prendre le chemin de l'école, la route des écoliers. Et pas la route d'école. Et pas la route d'école. Pour aller suivre les cours de la 4ème. Et nous sommes en 4ème D. Et je crois déjà que ce sont notre dernier cours. C'est notre dernier cours ce soir. Ça c'est pas trop tôt, la journée était longue. Bah, la grosse journée. On va finir à 14h quoi. Et putain, en plus, on a permanence. Hein. Eh, on vient de bouffer là. On doit faire encore une heure. Oui. T'es collé? Bah ouais, elle est collée. Bah oui. Dès le premier jour, elle est collée. Ouais. Donc, on part cette fois-ci en cours d'histoire. Ouais, l'histoire. Ouais, je sais pas. On va s'endormir. Cool, hein. L'histoire est intéressant. C'est... Ça dépend sur quoi. On va s'endormir s'il nous raconte des histoires. Non, mais ça va me plaire. On va raconter des histoires. Vous savez, c'est qui le prof? Je sais pas. Vas-y, on y va. C'est au deuxième étage, ça, je crois aussi. C'est en 204. Oui, entrez, petit loup, entrez. Merci. Petit loup, oh putain, ça commence. Allez, asseyez-vous. Voilà. Mais bon, je suis pas petite, hein, monsieur, c'est une discrimination. Ouais, c'est vrai. Ça, encore un qui a écouté le top 50, hein, les petits loups. Alors, comment vous appelez, monsieur, vous? Ah, moi, c'est monsieur Tintori. Ah, et vous, comment tu t'appelles, toi, tiens? Ah, moi, je m'appelle Théodore tiens, Totoro. On t'appellera Théo, tiens. Et toi, comment tu t'appelles, la petite dame, là? Alicia m'en fout. Alicia, Alice, ça sera Alice, et toi? Moi, ouais, Joe, coup tout court, parce qu'il n'y a pas de nom. Allez, Joe. Joe, Alice et Théo, j'aime pas les longs noms. Alors là, vous êtes bah, en cours d'histoire. Heureusement qu'on s'appelle pas nos longs, hein, parce que. En cours d'histoire, quoi. Ouais. Vous aimez l'histoire? Oui. Ça dépend laquelle? Ah, ça dépend. Celle je vais vous raconter raconte, moi, oui. Celle que je raconte, oui. Évidemment, il est marrant, c'est drôle, là, ouais. Aujourd'hui, programme de 4ème, on est obligé de passer par là. On la guerre de 45 hein. Non, la révolution industrielle. Oh, bordel. Alors avant on va dormir vraiment. Hein. Est-ce que ça inspire quelqu'un, la révolution industrielle? Ouais, bah bonne nuit. Non, il n'y a personne qui s'inspire. Non. C'est à cause de lui qu'on travaille 7 heures par jour, enfin 8 avant, 9 avant. L'usine, le Ford, le Taylorisme. C'est... Ah bah voilà, ouais, il a des idées, l'autre. C'est quand même fou de faire de la révolution. Le charbon, vous vous rendez compte, j'ai écouté une émission qui s'appelle Starter et du coup ça m'apprend des choses sur l'histoire automobile. C'est bizarre, je crois. Oui, c'est ça. Ah ouais, merci. Je kiffe la radio aussi, c'est un bon point pour toi. Et monsieur Tintin, il y a un truc que j'ai pas compris. Ouais, c'est quoi? Ah, c'est que la révolution industrielle, on a fait la révolution industrielle pour travailler plus. Oui. C'est pas normal faire la révolution pour être plus emmerdé. Oui, mais t'es plus payé. Alors, c'est pas comme ça que ça s'est passé. On va reprendre au départ. Ah. On va reprendre à la deuxième partie du 19e siècle, d'accord? Ça veut dire en 1700 et des bananes. En 1800 et des bananes. Ah ouais. Monsieur, ouais. Pourquoi vous faites un salut? C'est les gestes qui partent comme ça. On a commencé, c'est l'époque milieu du 18e siècle, on a commencé à voir apparaître par exemple les trains qui étaient à les voitures à vapeur. Alors les voitures pas tout à fait, c'était vraiment à la France. Hein. Monsieur. Oui quoi. Il y a mon voisin et on dit qu'il a voile à vapeur. Est-ce que ça a un rapport avec les non trains pas tout à fait. Par contre si vous fermez pas votre gueule ça va vous valoir à moins un point. donc à vapeur et comme toutes les machines qui étaient à vapeur aussi à l'époque, notre train il roulait avec quelle matière première? Charbon. Le charbon, ça fait un point, ça. Merci. C'est bien. Ah, parce qu'il fallait répondre. Je sais pas. J'avais envie. C'est quoi ce prof là encore? Et là, on a commencé à exploiter le charbon d'abord en Angleterre avant de le faire dans toute l'Europe. Ce qui a permis d'augmenter énormément les quantités de matières premières et les combustibles. Et ça, ça a changé pas mal de choses dans la vie des gens. Faire travailler plus. Ouais, notamment. Ouais. Ouais, puis ça a commencé le réchauffement climatique aussi. Oui, aussi. Ouais, est-ce que c'est vraiment vrai? Bah, les ours polaires. Le l'exploitation le des énergies fossiles de la planète. C'est oui, mon papa qui dit sur ça. Oui. En tous les cas, c'est vrai que c'est à l'époque où apparaissent les premières industries. À votre avis, c'était dans quel pays? Angleterre. La Russie. Qui a dit Angleterre? Moi. Bah, forcément, je l'avais dit avant. Mais je le savais. Allez, Joe, c'est pour toi. Non, monsieur, vous avez dit les Anglais, pas l'Angleterre. Ouais, bah oui, mais là, c'était l'Angleterre, évidemment. Alors pourquoi? Parce que c'est là-bas que vit un certain, à l'époque, James Watt. C'est lui qui est l'inventeur de la machine à vapeur. À votre avis, et des watts aussi. Quelle nationalité? Ouais, les watts, l'électricité. Il est américain. Écossais. Je vais proposer, vous allez le noter sur l'ardoise. Est-ce qu'il est anglais pour vous, écossais ou irlandais? Vous notez. Allez, faites-moi les propos là. Faites-moi rêver. Faites-moi drimer, comme ils disent les jeunes. Alors, j'ai de l'irlandais là. J'ai de l'écossais et j'ai des petits pois. Comme écossais les... comme les. Ah, bah, ouais. J'allais dire comme le haricot. Bien, wesh, c'était écossais, c'est ça la bonne réponse. Ouais, c'est vrai. Ah bah oui, moi j'ai mis écossais non, aussi. Non, vous avez mis irlandais. Assumez, assumez, mademoiselle. Oh. Bah je vais vous dire, heureusement, parce que le petit gars, il était là pour nourrir la population qui a doublé entre 1750 et 1800. Faut se dire, ouais. Hop, doublage. Ah. Eh, monsieur, monsieur, on a un bon point. Ah ouais, vous avez un bon c'est point. C'est vrai que oui. Hein. Ah, c'est gentil, monsieur. Pardon, merci pardon, beaucoup. Non, vous avez pas de bon point, la petite. Mais m'en fous là. Hop là. Alors. Qu'est-ce que. Ouais, alors. Il est vraiment radin. Hein. Évidemment, oui, il a pas fait que pour Il abuse un peu quand même. Hein. Que pour la bouffe. La vapeur, ça a automatisé aussi les usines de textile, la sidérurgie, le fer, la fonte pour fabriquer d'autres machines qui ont permis de fabriquer d'autres machines. Enfin, vous voyez. Les machines qui fabriquent des machines. Exactement. Terminator. Par contre, évidemment, du charbon, il y en a pas partout. Si on se concentre un peu sur la France, on se dit que bah, il y en a plus dans le nord. En Russie France. Ouais, non, en France, j'ai dit en Nord. Dans le Nord-Pas-de-Calais. Exactement, les fameux corons. Les ch'tis. Qui ont eu l'honneur d'une chanson. Vous savez de qui a été la chanson Bachelet. Motoban. Oui. Bachelet. C'était Bachelet, les corons. Vraiment, Bachelet. On peut la chanter ensemble, allez. Je la connais. Oui, mais... Oh non, c'était les corons. La mer. La terre. De charbon. Ouais. C'était le charbon. C'était l'horizon. Les âmes. Des millions de francs. Allez, ça fait un point pour le petit là. Bah et moi ah. Eh mais on chantait tous hein. Non, c'était pour Bachelet là. Monsieur et moi. Et je savais pas qu'on j'ai avait un deuxième le, cours le de nom musique. Du chanteur. Hein. Vous avez moi pas aussi. Dit Bachelet. Bah si. Il s'appelait comment Bachelet. Jean-Pierre Bachelet. Non, c'était Pierre Bachelet. Ça fait un point quand même. C'était en 82 exactement. Tout ça, ça fait déménager énormément de monde qui ont quitté leur campagne pour aller bosser. Ils ont quitté leur terre, leur champ. Oh, pardon. C'est gold. Alors, ils ont quitté leur campagne pour aller bosser dans les cités minières, donc dans la ville. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle ce phénomène de quitter la campagne pour aller bosser en ville ? L'exode. L'urbanisation. Non, l'exode. L'exode rural. Ouais, ça fait un bon ou les point. Les nazis. Merde. Exactement, allez, un bon point pour le gros. Ouais, une déportation et un gros aussi. Un bon point pour le gros, il faut mettre. C'est aussi la taille. Les nazis qui faisaient ça. Les hein. déportations, c'est. Ouais, non, on va pas parler d'exportation. C'est ça qui faisait. Tout ça, ça redistribue les richesses, donc évidemment. Aux riches. Ouais, bah alors ça. Ceux qui ont trouvé le bon filon. Aux riches. Et qui ont fondé les industries deviennent un peu riches. Ceux qui ont misé sur les sociétés, donc les actionnaires, ils deviennent très très riches. Et ceux qui restent dans les champs ou qui vont bosser dans les mines, eux, ils continuent d'être pauvres. Ils meurent. Non, ils sont. Bah ouais, alors c'est vrai que dans les mines c'était pas la joie, comme on dit. Hein. Ils avaient des petites maisons rouges en briques, là, vous savez, dans le nord. Là. On peut pas dire qu'ils étaient mal logés, ouais, par contre, effectivement, les conditions maisons, de travail. Il n'y avait plus de prairie en fait. Et je peux vous dire. Je peux vous dire. Oui, dites-nous. Qu'ils commencent à travailler bien avant votre âge. Et 12 heures par jour, hein, c'était pas de la rigolade. Mais on le fait déjà, on va à l'école. Bah ouais, non, attends. Attendez, on finit à 14h aujourd'hui, c'était de l'exploitation. Chose, ouais. C'était autre chose que votre emploi du temps. Et encore, on a réussi à faire virer les devoirs à la maison. Parce qu'avant, il y avait les devoirs à la maison. Ne vous plaignez pas, sinon je vous envoie la mine. La mine de crayon. C'est pas drôle. Tu veux un taille crayon? Moi, je la trouve vachement bonne. Ce libre développement économique des industries, ça porte un nom de courant. Alors, vous allez me le noter sur l'ardoise. Le courant d'air. Est-ce que pour vous, on appelle ça le libéralisme, le marxisme ou le keynésianisme, à votre avis? C'est facile. La 1, la 2 et la 1, évidemment, c'était le libéralisme. Ah ouais. Oui. Parce que c'est libéral. De tout le monde? Non, pas tout le monde. Non, le comment tu t'appelles, toi, déjà? Théo. Joku. Ouais, Théo. Et monsieur, nos bons points, vous en donnez plus? Ah, si, si, il y a des bons points. Vous êtes un peu radin, je trouve, non, par rapport aux autres professeurs. Dès qu'il faut en donner plus d'un, il les donne plus. Faut lui rappeler, hein. Bon, avant la sonnerie, on va faire un petit rappel du cours pour voir si vous avez bien suivi. Alors, de combien on a multiplié la population entre 1850 et 1900? Doublé. Ouais, ah oui, on l'a doublé, pas multiplié. Fallait répondre sur l'ardoise. C'est pas grave. Ouais, ça non, faut répondre toujours sur l'ardoise. Par contre, il a raison, elle a doublé, pas multiplié par deux. Hein. C'est ce que vous avez dit. Là, fallait doublé. Deux. Combien on a multiplié, c'était par deux. Parce non, vous avez dit doublé tout à l'heure. Oui, bah là, j'ai demandé combien on a multiplié. Multiplié donc ça fait par deux. Ah, j'avais pas compris. Non, mais je suis nul en maths. Vous pouvez répéter la question. Les noter sur l'ardoise maintenant, d'accord? D'accord. Quel était le prénom de monsieur Watt qui a inventé la machine à vapeur? Bah, Jean-Pierre. Bah, marque-le sur ton ardoise si t'es sûr de toi. Ouais. Il a regardé. Jean? Mais non, il a dit James tout à l'heure. Ouais, il a regardé. Jean-Pierre, c'est un rébus. Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'était James. Ah mince. Ouais, Jean-Pierre, il a dit Watt. Tout à l'heure. Ça Jean-Pierre fait Watt, un français. Bon point pour ah toi. Oui, et pour moi? J'ai pas écouté, je dormais. J'ai mis James aussi. Toi, Théo, t'as copié. Ça mais compte non, pas. Il l'avait dit tout à l'heure. Allez, dernière question. En quels matériaux sont faits les maisons du Nord? En brique rouge. Mais oui, mais ouais. J'ai dit de répondre sur l'ardoise. Ouais, ça fait un bon point. En brique rouge, du coup. Un petit rébus. Avec un peu de ciment entre les briques rouges, parce que sinon ça tiendrait pas. C'est vrai. Ouais. Et un toit aussi, et des fondations. Allez, va pour le ciment. Et pas de toit, pas de fondation. Et il faut du sable. Pas hein, besoin pour... vraiment il des faut fondations, du sable pour faire du béton. Et dans du le nord, ciment. Ils avaient autre chose. Ils avaient quoi? L'accent. Du marwell. Et alors? Ouais. Ouais. Mais c'est con. Ça fait pas construire les maisons, ça. La biloute. Eh, monsieur. Et quelqu'un s'est limité l'accent du nord? Eh, je t'ai biloute. Et ça va bien. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Allez, un bon mais mois. C'est les Marseillais ça. Non. Non. Tu vas bien. C'est les Marseillais. Ouais, non, mais c'était pas le même. Bah oui, non mais attends, monsieur, je veux un point, j'ai donné une bonne réponse. Ah, je suis désolé, c'est la faute. Ah, c'est la faute. Au revoir, monsieur. Bon bah bonne bourre, hein, comme oui, on dit. Salut, chez nous. Salut. Hein, vous allez pas me manquer, hein. Ok. Très radin. Non, bon, et ben, c'est la fin de la journée. Hein. Moi, je l'ai bien aimé, ce prof. Il m'a donné plein de bons points. C'est vrai, radin. C'est un abruti, mais qu'est-ce que je l'ai bien aimé. Abruti fini. Vas-y, t'en as combien, toi? Alors, combien de bons points pour Daniel? Et tu veux pas qu'on échange, vas-y. Enfin, non, je veux pas. Pour Joku, combien? Moi, j'ai un truc. J'ai un drac au feu, si tu veux. Ah ouais. Moi, j'ai 3 points. Moi, j'en ai eu 5. Gros radin, quoi. Ok. Alors, bon bah c'est cool quand même cette journée, on a eu pas mal de bons points. Mais du coup, on peut en faire quoi de nos bons points? On les échange contre un repas à la cantine. Tu sais quoi? On a déjà mangé. On va voir ce qu'on va pouvoir en faire, mais l'idée étant d'avoir la meilleure moyenne de la classe. C'est vrai. On va connaître les résultats, mais avant, on va écouter de la musique. Qu'est-ce qu'on écoute, Teddy? Oh bah on va écouter un petit remix de Domenico Torti avec son remix Low. Alors je sais pas ce qu'il remix, mais alors Low c'est Lenny Kravitz. Non, Low c'est. C'est de l'eau. C'est l'eau. Oui, mais Lenny Kravitz c'est le titre. D'accord, et bah il y a remise de Lenny Kravitz. Ok, low. On écoute sur cœur. Low c'est Low. Par exemple, je vois rien de Low. Si t'avais une radio sur laquelle écouter Low, tu écouterais sur. Ah oh bah sur Indestar, évidemment, bien sûr. Tout le monde le sait. T'écouterais pas sur une autre radio. Quoi. Moi j'écoute la Low. Est-ce que j'écoute une autre radio? Ah oui, Inter la radio, mais ça compte pas. C'est vrai que. Bah, t'as pas le choix. Obligé de le dire. Anymore, got to keep my feet right on the Du vendredi soir, c'est sur Indestar. Et nulle part ailleurs, les amis, et bienvenue si vous venez de débarquer. Vous avez raté quasiment toute l'émission, je suis désolé. Par contre, pas de soucis parce que vous allez pouvoir la réécouter. Cette émission fait comment, Teddy ? Eh ben, ça dépend, tu l'as enregistré ? Non, à ce que je vois. Non, je déconne. J'ai tourné la tête. Alors, oui, vous, les émissions, on les enregistre, oui, et on les met en podcast. Ouais. En podcast, et on les met où ? Sur votre plateforme de podcast. Alors, j'ai envie de dire la préférée, mais quasiment toutes les plateformes de podcast. Ça peut être Spotify, Deezer, MySpace. Non, ça dépend. Pas Deezer. Si, j'ai dit Deezer. Ouais. Podcast Addict, Google Podcast. Tout ce que vous avez en podcast, en théorie, on est dessus. Exactement. Et si vous trouvez pas, au pire, allez sur indestar.fr. Ça marche aussi. Le concept du podcast, c'est vraiment que vous pouvez écouter l'émission quand vous voulez et où vous voulez. Hein. En effet, peu cher. Peut-être dans l'espace. Peut-être en montagne. Peut-être dans le sud. Thomas Pesquet n'est plus dans l'espace. Mais bon, il est revenu depuis un moment. Il va certainement y retourner. Ça m'étonnerait. Moi aussi. C'est bientôt, il l'a dit. Et on n'est jamais sélectionné. Le mec a la tête dans les étoiles. C'est vrai. D'ailleurs, il a pas fait d'études. Ce soir, on était au collège, les amis. On est parti en classe de 4e. On était dans un collège qui s'appelle le collège Michou. On a suivi un ensemble de cours et on a obtenu des notes. Alors, c'est très injuste parce qu'il y a des cours où moi j'étais absent. Il y a des cours où toi t'étais. Ah, il y en a un où j'avais pas envie d'y aller et l'autre j'ai dormi. C'est ça. Donc, forcément, on n'a pas eu le même nombre de notes. Non, mais on peut faire une moyenne après. Hein. Moi j'ai joué à Snake pendant un cours. C'est vrai, mais c'est dur de faire les moyennes. Alors, vu votre niveau en maths, oui, on va pas aller demander au prof de maths du coup. Non, je crois qu'il y a une addition de points qui a été opérée parce que j'ai le résultat du conseil de classe. Au premier jour. Ah bah oui, le premier jour. Ouais, il note tous les jours. Tous les jours, il faut un conseil de classe à la fin de la journée, tu vois. Non, mais c'est un collège très spécial, il y a un jour de classe dans l'année. Alors, en même temps, ils ont les profs conseil de classe. Se tenir à carreau là. Alors, j'ai les notes du petit Théodore. Ah oui, bah Théodore, je vous écoute, Totoro, proviseur Nick Tam. Non, comment Théodore, il a reçu un total de 21 points. Sur combien ? Sur beaucoup. Ouais. Non, c'est pas exceptionnel. Hein, c'est... Oui, mais c'est pour l'encourager. C'est pas le meilleur. C'est pour l'encourager. Ouais, mais c'est pas le dernier non plus. Il a ni les encouragements, ni les félicitations, mais il redouble pas. Élève dissipé. Élève dissipé, ouais, exactement, c'est ce qui est marqué. Je sais. Pourquoi? Alors, c'est toi qui l'as doté? Oui. Il y avait Alicia, la petite Alicia. Alicia m'en fout. Alicia, elle est première de la classe. Hein. Oh. Félicitations du conseil de classe. Oh. 25 Merci. Points au total. Oh. Ouais, pas mal. Wow. Elle a entamé un très bon premier trimestre. Voilà, c'est ce qui est dit. Par contre, c'est marqué poursuivez les efforts. Ouais, bah, je vais poursuivre, monsieur. Parce que c'est 25 sur 70 quand même. Je vais entretenir les relations. Il faut entretenir, hein, c'est exactement ça. Le petit prénom Joku. Bizarre, Joku. Ouais. Alors, il y a que le prénom de bizarre, pas le mec. Ouais, Joku, pas de nom. Bah, il se défend pas trop mal, le petit Joku. Il a 23. Il a les encouragements du conseil de classe des profs. Ouais. Continuez dans ce sens. C'est marqué. Lequel sens? Bah, ça, j'en sais rien. Mais le sens. Ah, parce que tu vas te perdre, je sais pas où il faut aller maintenant. Je sais pas dans quel sens il faut aller. Et enfin, dans le doute, nous avons le petit Vincent. Vincent, élève dissipé. Vincent Lagaffe. Dissipé. Dissipé et un peu posé sur la chose, on va dire. Ouais, un petit peu. Mais c'est normal, c'est lâche. Hein. 20 points. Bon, il se défend pas trop mal, mais il va falloir qu'il mette un petit coup de collier au deuxième. Il se ressaisisse. Ouais, ouais, exactement. Non, mais un petit coup, si un petit coup de fouet. J'ai un peu entendu les délibérations. Apparemment, il est doué. Il est doué en musique. Heureusement qu'il était doué en musique. C'est parce vrai, que, c'est vrai. Ça le sauve, ça le sauve. Il a cartonné en musique. Il aime bien jouer de la flûte. Ça comptera 0,5 à la fin. Je suis désolé, mais c'est vrai que la musique, ça sert à rien. Il va falloir qu'il cartonne en maths, le gars. De toute façon, Vince, il sert à rien, donc il peut faire un truc qui sert à rien. Écoute, il faut pas dire ça. Il faut donner une chance. Moi, j'avoue, je l'aime pas trop. Oh, il est mignon, il est mignon. Moi, je trouve qu'il est mignon. Voilà, tu vois, il est mignon. C'est sur ces notes qu'on va se quitter, les amis. La semaine prochaine. Bah, non, la semaine prochaine. Ah, le mec, il vend du rêve. On va attendre la rentrée pour savoir s'il y aura, si on retournera au collège. Par contre, d'ici là, ce qui est sûr, c'est que sur Indestar, il y a de quoi se faire kiffer parce qu'il y a de la bonne musique. Teddy, par exemple, qu'est-ce qu'on écouterait là? Je sais pas si je devrais citer une artiste d'Indestar. Ouais. Une qui serait sans doute. Celle qui surpasse, qui surclasse les autres. Non, il n'y a personne qui surclasse les autres sur Mais sûr que si, il y a tous les artistes sont que les au même niveau. Non, non, non, non, non. Lindsay Sterling, alors, plus connue, a plus d'abonnés que Katy Perry, que Rihanna, que tout c'est ça. Vrai. Sur YouTube seulement, mais sur ouais, YouTube. Mais c'est quand vrai, même. Ouais, c'est plus à la mode. Elle avait fait American Got Talent, je crois. Elle est arrivée que deuxième. Ah, mais... c'était faire caler par un gars qui avait dit faut faire un peu plus que ça, quoi. Ouais, bah elle a fait plus ça que ça. Ça suffit pas de faire du violon. Je pense qu'elle a fait beaucoup plus que le gars bah, en question. Bah, danse et elle chante et elle fait du violon en même temps. Ça il a fait fermer sa gueule et il a dit quand même qu'elle serait jamais célèbre avec ça. Voilà. Dans ta gueule. Faut te donner tort. Pas ce type. Non, mais c'est une bonne façon de penser. C'est-à-dire que tu vois, elle s'est pas laissée démonter, elle a monté son affaire, elle a cartonné et bâché dans sa. On va pas se mentir, quand t'as du talent comme ça, c'est pas pour lui jeter des fleurs, mais c'est vrai que j'ai jamais vu quelqu'un danser, faire du violon et chanter en même temps. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Bah si, moi, mais moi je le fais mal, oui. Alors, oui. Il le fait quand il a bu. Je vais pas te mentir, j'arrive à le faire aussi. Mais j'arrive pas à le faire bien. C'est ça la différence avec Lindsay Sterling. On écoute Elements sur Indestar. On se fait des gros bisous. On se donne rendez-vous très vite sur l'antenne avec des nouvelles émissions. Merci Daniel d'avoir été là. Ah ben je vous remercie de m'avoir fait participer et surtout partager un tel savoir. Ah oui, bah on a appris des choses. Non, mais c'est vrai qu'on a appris des choses. Ah oui. La table de 7. Ouais. C'est pas encore à qui bon. Et la table de 5 aussi. Que Watt il se prenomme James aussi. Avec que 25 divisé par 5, ça fait 5. Oui, mais qu'il y a 3 diviseurs. Ouais, j'ai pas 1, 25. Angie, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bah, de rien. C'était un plaisir, tu reviens quand tu veux. Bah, une fois par mois. Oui. À demain. Techniquement, si tu reviens une fois par mois, tu reviens à chaque émission. On va essayer, même si tu m'as enlevé mon sommeil. Oh, je suis désolé. Ah oui, c'est vrai que demain matin. Il me reste 3 heures de dodo là, et je suis pas encore rentrée. Je peux me plaindre à travailler plus tôt que moi. Oui. Ah oui, parce que. Alors, pour ceux qui venaient de débarquer, mais c'est Teddy et Boulanger. Oui, Teddy et Boulanger, mais ça tout le monde le sait. C'est marqué sur la chaîne. Sauf ceux qui viennent de débarquer. Ouais. Et Angie, tu fais quoi? Moi, je suis chauffeur poids lourd. Et pourquoi tu commences à 2h du mat? Bah, parce que je livre la nuit. Et toi, chauffeur polo? Alors non, je ne commence pas à 2h du mat, je me lève parce que j'ai 50 minutes de route. Ouais, donc pour aller au travail. Tu commences à genre 3-4 heures quoi. Bah 3h. 3h, 3h30, ouais. Ok. Ça dépend des tournées. Après, faut charger le camion. Il y a moins de monde sur la route. Mais c'est toujours ça. Ça dépend des jours, mais oui. Ok. Il y a que les gros transporteurs en fait qui vont loin, en fait, qui roulent de jour. Généralement, tout le monde roule de nuit en tant que transporteur. Ok. En frigo, de toute façon, c'est la nuit. C'est toujours le matin en fait, très tôt. Comme ça consomme moins d'électricité. Consomme moins d'électricité, puis il est plus frais en fait. Ouais. Non, mais parce que les produits, il faut qu'ils soient livrés le matin pour la journée. Bah ouais. Les restaurateurs, ils se livrent tous les jours en fruits et légumes, ils ont besoin de les avoir frais tous les jours. Je comprends la stratégie. Ouais. Très bien, et eh ben bon courage Angé. Merci beaucoup. Je t'offre des bons points de sommeil. Voilà. C'est tout ce que je peux faire. Dans la semaine. Désolé, c'est tout ce que je peux faire. C'est pas grave. T'es dit à très vite. Oh bah oui, moi je reviens assez souvent. Hein, je suis presque chez moi. Je suis venu. Ah non, je suis pas venu en chaussons. Je suis venu en temps. Oui, il est chez lui. Oui, ton short. C'est vrai. C'est vrai. Il manque juste la douche et puis le lit, c'est tout. Comme à la maison. Voilà. Ah bah là, je suis à la maison déjà. Écoutez, Lindsay Sterling, on vous souhaite bonne nuit. À très vite sur Indestar. Ciao les gars. Et les filles.